S'il n'y a pas l'esprit, vous prêchez. Vous prêchez. Dans cette prédication, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas d'esprit pour enseigner, dans cet enseignement, il n'y a pas de vérité. Vous prodiguez des conseils. Dans ces conseils, il n'y a pas de vérité. La loi spirituelle. La loi spirituelle. Tout ce que nous faisons à Dieu, c'est de façon spirituelle. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Amen. On doit reconsidérer. Reconsidérons notre vie spirituelle avec le Seigneur. Notre vie spirituelle. On doit la prendre en considération. Le nouveau départ consiste dans ce que, depuis là, j'ai cherché de l'argent. En 2016, en 2017, ai-je gagné assez d'argent? Ai-je eu assez de possessions? Ai-je eu assez de matériel? Si j'avais eu gloire au Seigneur Jésus-Christ, mais il ne veut pas que l'on s'attarde là-dessus. Non, ce n'est pas la fin. Il veut que notre vie spirituelle puisse monter d'un cran. Monter d'un cran. D'accord? C'est pourquoi on doit veiller sur cette vie spirituelle. Notre vie spirituelle marche avec le Seigneur. Chacun doit veiller sur sa marche avec Dieu. Chacun doit veiller sur sa marche avec Dieu. On doit parvenir au point où, lorsqu'il y a même des difficultés qui arrivent dans nos vies, lorsque nous faisons face aux difficultés, la capacité et l'aptitude pour nous autres de mettre ces difficultés de côté, d'accord, frère bien-aimé, et de continuer de compter sur le Seigneur. D'accord? Elles sont toujours dans les difficultés. La Bible nous dit que nous ne savons même pas ce qui convient de demander. D'accord? Parce qu'il y a tellement de difficultés. Que va-t-on demander aujourd'hui? Que va-t-on demander? On va demander au Seigneur. Il y a tellement de choses, de besoins à satisfaire, à souvrir. Qu'est-ce qu'il convient de demander? Devant toutes ces difficultés-là, le Saint-Esprit intercède pour nous et nous donne de demander selon sa volonté. Dans ces difficultés-là, très bien aimé, on doit avoir la capacité, l'aptitude à pouvoir mettre cela de côté et nous concentrer sur le Seigneur. On doit demander à Dieu la capacité, la force de mettre nos difficultés derrière nous, les mettre derrière soi et garder le regard sur le Seigneur. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. D'accord, frère bien aimé. On doit reconsidérer notre vie spirituelle. On doit la prendre en main. Véritablement. La nourriture, nous l'avons. Les vêtements, nous l'avons. Jésus-Christ a dit que ça nous suffit. Ça nous suffit. Mais il nous manque une chose, notre vie spirituelle. À quel niveau elle se trouve? À quel niveau se trouve-t-elle notre vie spirituelle? C'est ça l'important. C'est ça l'important avec Dieu. L'adoration que nous lui donnons, la louange que nous donnons doit être spirituelle. Ces choses-là sont spirituelles. La loi est spirituelle. Il veut être spirituel pour l'adorer. Il nous demande pour détruire, pour ne pas marcher selon la chair, il faut vivre selon l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Amen. Si vous le voulez bien, il y a un cantique qu'on chante qui dit. Il faut croire et obéir. Croire et obéir. Je ne sais pas si c'est le grand cantique ici ou le petit. Petit. Prends le cantique là, s'il vous plaît. Célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Alléluia. Pour croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les pardons, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, nous pouvons dépasser nos incapacités, au dessein éternel nous ouvrir. De nouveaux horizons, une vaste moisson, simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Les écluses célestes, il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Inclinons nos têtes, prions. Prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour ta bienveillance, ta protection et ta souveraineté dans nos vies. Nous voici encore, Père, assemblés en ton nom. Tu nous as conduits ici et réunis, Père de gloire, pour changer également tout ce qui est dans nos âmes qui ne viennent pas de toi. Nous voici, Père de gloire, ensemble ici, attendant de toi. Merci pour tout ce que tu as commencé de faire depuis nos domiciles respectifs. Merci pour ce que tu vas faire pour l'achèvement de cette soirée. Et bien, c'est parce que pour tout ce que tu vas continuer de faire encore dans nos vies. Je prie au Père de gloire que tu nous donnes ce que nous avons besoin aujourd'hui, selon ta propre volonté. Et je prie au Dieu de gloire que chacun rentre, Père de gloire, satisfait de ce que tu lui as accordé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres, en disant un bonsoir chaleureux. Pas un bonsoir sec. Bonsoir mon Père. Bonsoir mon Père. Bah voilà. Ça va? Ça va? Fatigué. J'ai pas le folerie, que j'ai bu. Ça va, bébé Daniel? Tu es là. On dit salut les gens, tu es à ta côté. Que la grâce est là. Ça va toi? On t'a remis ta clé à toi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça va mon cher, ça va. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Chacun a pris sa position là quoi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça va, ma chère? Thank you. soir. Vous allez bien? Priez pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. D'accord, frère? Prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. J'ai vu des contingents de camions militaires d'aller dans une zone où c'est comme c'est une école. C'est comme c'est. Je crois que ça c'est, doit être l'université, une zone universitaire. Et là, il s'est trouvé des gens qui faisaient des réunions. Qu'est-ce qui, et d'après ce que j'ai regardé, j'ai vu. Si vous passiez par là, on vous arrêtait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir si tu es parmi les gens de la réunion ou pas. Prions pour le Cameroun. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, durant ces jeunes concernant le pays, il faut qu'on soit déterminé à prier. On prie pour le Cameroun. Les ténèbres qui sont dans ce pays-ci, il faut que ça quitte. Amen. Ces choses qui ont captivé les gens. Les personnes ne sont pas des gens mauvaises en soi. Quand quelqu'un est aveuglé, il est aveuglé. C'est ça, n'est-ce pas? Si vous lisez Jean chapitre 8, chapitre 9, dans Jean chapitre 9, quand le Seigneur a guéri cet homme-là qui était né aveugle. Vous vous souvenez de l'événement, non? Amen. La Bible déclare que les parents, lorsque cet homme-là était en train de se réjouir, on a demandé à ses parents que, est-ce que c'est ça, c'est votre enfant, est-ce qu'il est né aveugle, vraiment vous connaissez? Il dit oui, c'est notre, vraiment notre enfant. Et la Bible dit que, quand on a demandé aux parents, là, est-ce que c'est votre enfant? Il a dit que oui, c'est notre enfant. Mais pour ce qui est des... Comment il a été pour sa guérison, demandez-lui lui-même de l'âge. Et ils disent comme ça pour fuir les persécutions. La Bible déclare que les parents disent là, souvenez-vous de ceci, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez vous échapper devant les hommes, sans vous échapper devant Dieu. Donc dans le catalogue de Dieu, c'est noté que ils ont peur d'être persécutés à cause de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit retient de cet événement. Mais qu'est-ce qu'on devient devant le Sanhédrin quand il parle? Parce que quand il parle devant le Sanhédrin, le Saint-Esprit donne par la suite pour dire l'événement qui s'est trouvé là-bas. Mais ils ont dit, ah, il a de l'âge, fais cela. Le Saint-Esprit est allé au-delà de leurs pensées, au-delà de leur cœur. Donc la partie, vous voyez, ils disent cela parce que les Sanhédrin s'étaient convaincus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Messie, on l'exclurait de la synagogue. Quand cet événement, la partie qu'on écrit, ils disent cela parce qu'ils avaient peur, par peur d'être exclus de la synagogue. Cet événement, cette partie-là. Eux, ils ne savent pas, les Sanhédrins ne savent pas, eux ne savent pas, c'est le compte rendu qu'on nous donne à nous. Donc, on raconte l'histoire de leur cœur. Et la façon de Dieu de voir cela. Donc, quand ils ont dit comme ça, ils sont échappés de l'événement. Un peu comme vous pouvez être dans un bureau, on dit, où sont ceux qui sont les chrétiens ici, pour renvoyer. Dites que ici, là, Dieu lui-même va comprendre que c'est Dieu à la maison. Pourquoi on vous laisse sur place? Si la scène, c'est qui sont ceux qui sont chrétiens? On a posé la question. Tu as refusé de faire. Si on écrit la Bible quelque part, on a dit qu'il a fait ça par peur d'être dénoncé pour qu'il ne voit pas au chômage. Vous savez ce qu'on a dit. Il y en avait au Cameroun là-dedans. C'est pour le Cameroun que je t'en dit. Et donc, quand cette personne-là a été délivrée de ce voile-là qui couvrait ses yeux, maintenant, quand le Seigneur va rencontrer ces gens-là, ils vont poser la question à Jésus. Sommes-nous aussi aveugles? Jésus va leur dire, c'est parce que vous voyez que votre péché demeure. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais pourtant, ce sont des bonnes personnes qui sont des religieux, qui étudient la Bible. On les appelle les scribes et les pharisiens, les docteurs du peuple, ceux qui enseignent le peuple. Jésus dit, vous êtes aveugles. C'est parce qu'on dit que vous voyez que votre péché demeure. Regardez bien ce qu'il en dit. Il parle par rapport au Cameroun. C'est-à-dire que même si les gens sont grands, ils donnent n'importe quelle formule sur le plan humain. Ils trouvent n'importe quoi, découvrent n'importe quoi qui puisse aider les êtres humains à s'en sortir, à réussir dans leur vie. S'il n'a pas Christ, il est dans les ténèbres. C'est aussi simple que possible. Même s'il réussit, même s'il découvre n'importe quelle formule, où on dit waouh, cet homme, ça a aidé l'humanité. S'il n'a pas Christ, il est dans les ténèbres. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, là, le verset 17, qu'on ne doit plus marcher comme les païens qui n'ont pas quoi, qui ont l'intelligence quoi. On dit les païens ont l'intelligence obscurcie, dont leur soif de révélation, les révélations qu'ils veulent. C'est comme dans les manuels pour vous enseigner là. C'est les ténèbres. C'est-à-dire, si AB, sur AC égale à AB, sur CC, ça dit que ceci est parallèle. Waouh, ça c'est Thalès, c'est quand même ténèbres. Ceci au carré égale à ceci au carré, c'est quand même les ténèbres. Waouh, E égale à MC carré, waouh, on a fait ça, ça a découvert la lumière, c'est bon, c'est quand même les. Donc ça dit cette lumière, c'est provient du ténèbre. Donc ça dit on peut être dans cette lumière, c'est dans cette clarté ici, tout étant dans les ténèbres, puisque les ténèbres en plein jour se manifestent. Vous voyez dans le livre de Matthieu, chapitre 2, là. Regardez le Seigneur Jésus, la façon qu'il marche. Regardez dans Jean, chapitre, dans Matthieu, chapitre 14, Matthieu, chapitre 11. Et regardez, comparé avec le livre d'Isaïe, chapitre 8 et chapitre 9. Lorsque le prophète Isaïe prophétisait que le peuple, le territoire des Zabulon, ceux de Naphtali, ceux, les gens de la contrée de la mer, ces peuples assis près de la mer, voient une grande lumière. Il y avait l'obscurité là-bas tous les jours. Ce sont des gens qui pêchaient. Et si vous regardez dans la déclaration prophétique de Moïse dans le livre des Deutéronomes, lorsqu'il a dit de parler des Zabulon, il va parler, il dit que Zabulon va être en bordure de mer. Il va sucer les meilleurs produits de la mer. C'est-à-dire que les choses, les délices qui sortent de la terre, du sable, ainsi de suite, il va profiter. Mais là, c'est trouvé dans la reine des eaux, la reine de la côte, dans ces zones-là. Mais il a dit qu'il va profiter des biens matériels qui sortent de là. Mais plus tard, maintenant, le prophète dit que ce peuple-là assis dans les ténèbres. Comment un peuple est assis dans les ténèbres? Pourtant, ils font les activités chaque jour. On construit la pêche. Il y a les organisations de pêche là-bas, ils font tout. Ils font la navigation. Ils sont bien organisés. Mais la Bible dit que ce peuple est dans les ténèbres. Et quand Jean-Baptiste avait été donc livré, quand Jésus a entendu que Jean-Baptiste était livré, il est allé dans ces contrées. Mais le prophète dit que ce peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Pas qu'on a allumé une ampoule. La présence du Seigneur Jésus-Christ amène la lumière. Sa présence. Il dit qu'il est venu dans ces gens, chapitre. Jean chapitre 18, il dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire que si Jésus est absent quelque part, c'est grave. C'est pour ça que le psalmiste a créé que est égal à l'alliance, Seigneur. Parce que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les lieux sombres du pays. Regardez le prophète Jonas, quand Dieu l'envoie à Ninive pour aller prêcher, la grande ville digne Dieu, où il y a plus de 120 000 âmes. Là se trouve le roi, les conseillers, les généraux, les stratèges en économie, les stratèges en navigation aérienne, les stratèges en pilotage. Parce que c'est la grande ville où il y avait la navigation. N'est-ce pas, frère? Ils avaient des ingénieurs qui découvraient le truc. Mais Dieu lui dit, comme sanction, que dans cette grande ville, les gens ne savent distinguer leur gauche de la droite. C'est-à-dire, depuis le roi ne sait pas où sa gauche se trouvait. Ni sa droite se trouvait. Le roi. C'est pas ce que vous comprenez. Alors pourquoi? Parce que ces gens-là sont gouvernés par les ténèbres. Quand vous êtes gouverné par les ténèbres, même si vous dites n'importe quoi qui est bon, ça vient d'abord des ténèbres. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et notre pays n'est pas le seul cas. Mais chez nous, c'est très grave. C'est très grave. Cette alliance-ci, contractée en 1948 dans notre pays, ces sacrifices qui ont été faits, c'est la première fois qu'ils mentionnent ça comme ça. Il faut que ça soit brisé. Donc, bonsoir. Donc, on va jeûner pour le pays, c'est pour qu'on prie. Ça va changer. Vous avez intérêt à prier. Votre bonheur dépend de celle-là. Fuir, ça ne change rien. Vous fuyez, vous n'allez pas fuir avec tout. Vous allez fuir quelqu'un de votre voix, vous entendez quelque chose lui a aussi arrivé. Tu auras le même chagrin. Même si vous dites que je ne suis pas Camerounais, vous prenez une autre nationalité. Vous montez, vous descendez, votre sang c'est ici. Même si tu parles, vous allez dire que je ne suis pas Camerounais, moi, hein, tu es Camerounais. Ta conscience dit que tu es Camerounais. Alors j'attends les questions. Si vous avez des questions, posez. Si ce n'est pas des questions, on voit un sujet ce soir, on va le clore avec les tubes fluorescentes. Vous savez ça, non? On voit le chlore. On fait un peu la science aujourd'hui dans la Bible. On voit comment c'est constitué. Si vous voulez. Vous connaissez le chlore, non? Vous connaissez l'iode? Vous connaissez le fluor? On dit ça, c'est l'emballage des patins. Voilà. Donc, des questions. Avez-vous des questions? Vous avez lu la Bible, ça vous a choqué, vous avez entendu des choses, ça vous a dérangé, oui, mon cher. Dans Matthieu 13, verset 44. On continue là-bas, la dernière façon, on s'est arrêté dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 13, oui, verset. En fait, il est question d'un champ là-bas. Oui. Et on demande, en fait, Jérémie, Matthieu 10, verset 44. Matthieu, il faut que les gens soient en train d'ouvrir leur Bible. Matthieu. Servez le Seigneur plus que vous n'avez jamais servi par le passé. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Donc quelque chose se passe dans le haut de pays. Il ne peut pas mentir. D'accord? Depuis 2009, il a dit qu'il prépare quelque chose dans ce pays. Depuis 2009, il a dit qu'il prépare quelque chose dans ce pays. Ça va bientôt éclater. Il y a le bruit en haut là-bas. Il y a le bruit. Mais ce qui est bien, c'est que les ténèbres peuvent régner comme ils veulent, tirer comme ils veulent. Le dernier mot revient à la lumière. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Des questions? On dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va tout vendre. Tu as donné la référence aux gens, frère. Tu leur as donné la référence. Matthieu 13, davantage. Ok. Donc vérifiez que vos téléphones soient fermés ou bien vous mettez, si vous en enregistrez, vous mettez sur vibreur. Oui, mon cher. L'homme qui a trouvé le cash et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bon, la question que je voulais poser, c'est comment tout vendre et acheter ce champ. Nous, par exemple, puisque ce sont des choses qui nous sont. Tu as le champ. Pardon. Tu as le champ. En fait, c'est une parabole, j'ai pas de champ. Bon, qu'est-ce que. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il en a voulu dire, voilà. N'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est primordial pour toi? Ouvre Luc chapitre 12. Luc, le chapitre 12. Ça va? Oui. Verset 30 à 34. Luc, chapitre 12, verset 30 au verset 34. Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a besoin de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des trésors qui ne s'usent point. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre cœur, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. C'est simple. Quand il a dit votre, ce qu'il a dit, il dit à tout le monde. Ça veut dire qu'il dit que là où ton cœur est accroché, c'est là où ta vie va être autrement, c'est ça qui t'attire. Et par conséquent, quand tu lis ceci, qu'est-ce que tu penses? Vous pensez que le Seigneur est en train de vous donner quelle instruction? Là. C'est la même chose qu'il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 44, dont il a lu. Il a dit vendre tout ce que vous possédez. Comment? Vendre tout ce que vous possédez. Et faire quoi de ça? C'est-à-dire quoi? C'est une parabole, frère? Non. Il veut dire quoi? Vous n'avez pas entendu ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, lis encore le verset à haute voix maintenant cette fois-ci. Bon, on dit. Vendez ce que vous possédez. Ça, c'est à haute voix, ça, n'est-ce pas, frère? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Oui. C'est quoi l'aumône? Sans les libertés. Donc, distribuer, n'est-ce pas? Il dit débarrassez-vous des choses terrestres. Souvenez-vous de ce même principe-ci. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il leur a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, chaque fois que vous allez voir quelque chose que Jésus a dit de sa bouche, il y a l'enseignement, ça, chez les disciples. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchez les choses d'en haut. C'est ça dont il est question. Où est-ce qu'il en est? Débarrassez-vous-en. Maintenant, voyez un exemple dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Très souvent, on cite l'apôtre Paul sans être dans l'esprit de l'apôtre Paul. Tu y es dans Philippiens, mon cher? Prends à partir du verset 4. Allons-y. Verset 4, quand tu vas t'arrêter, arrive au verset 11. Tu t'arrêtes. Mais avant qu'il dise quelque chose par rapport au verset 12. Allons-y, Philippiens chapitre. Non, Philippiens chapitre 3. Verset 4. À partir du verset 4. Allons-y, 1, 2, 3. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc, où est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans cette épître, l'apôtre Paul vous l'a dit, on ne doit pas mettre notre confiance dans la chair. Quand il dit mettre confiance dans la chair, ce n'est pas l'interprétation humaine qu'on dit que non, j'ai confiance en moi, mais ce n'est pas ce qu'il a de dire. C'est vraiment dire se vanter de toutes les prouesses que tu peux avoir eues sur la terre. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est mettre sa confiance dans la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas la catégorie qu'on dit que non, je connais ma force de frappe, ce n'est pas ce qu'il a de dire ici. Il veut dire, tu as eu un diplôme sur la terre où on t'a félicité. On s'en fout de ça. C'est ce qu'il a de dire. Tu as les immeubles sur la tête, tu es connu sur la tête comme un grand qui a découvert tes formes. On s'en fout de ça. tu es connu sur la terre comme un grand qui fait telle chose, On s'en fout de ça. C'est ça, mettre sa confiance dans la chair qu'on est en train de dire. En la chair. Maintenant, suis tentement. Il va donc prouver. Il est en train de dire en réalité, sur la terre, si on prend sous le rapport de ses vantés ainsi, il a aussi des choses à prouver sur la terre en tant qu'être humain qu'il a réalisé. En fin de compte, il va présenter que ces choses-là, ça ne sert absolument à rien. Souvenez-vous de l'entrée de partie de Matthieu, chapitre 13, verset 44. Il a de vouloir dire en réalité que toutes nos réalisations sur la terre, si c'est fait, nous ne sommes pas en Christ, tout ce que vous faites là, c'est l'ordre de 1. Donc tout ce que vous faites là sur la terre, vous faites n'importe quoi. Sur le plan humain, les hommes aiment. Ah, si Christ n'est pas l'initiateur, ça ne vous sert absolument à rien. Esaïe, le prophète, lui, il avait dit que toutes nos justices est quoi? Vêtements souillés. Donc même si je fais le bien, enfin, l'apôtre Paul en a dit dans Romains chapitre 7, il dit quand je vais faire le bien, qu'est-ce qui s'attache à lui? Le mal. Le mal. Quand tu veux faire le bien, tu vois que tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et donc, dans ce livre de Philippiens, il va nous dire que c'est lui qui produit en vous, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, il doit être l'alpha. Vous commencez n'importe quoi sans Dieu, vous avez tout perdu d'avance. Vous commencez n'importe quoi sans lui. Oh, j'ai. Ah, mon Dieu, c'est soi, je crois qu'on peut parler. Continue la lecture ici. Verset 5. Moi, si concis le huitième jour. Ouais, non, recommence encore. Il dit moi, il parle de lui maintenant. Ça veut dire qu'il veut, il veut dire ici, sous le rapport de comparaison du vantadis dans la chair par rapport aux réalisations humaines, il peut aussi dire quelque chose. Vous allez voir qu'il va présenter ce tableau-là sur le plan humain que, si on veut parler de réussite sur le plan humain, il en a fait. Il a de quoi aussi se vanter. Par la suite, il va présenter maintenant comment il en est sorti par rapport à ces choses-là et présenter ce qui est nécessaire pour l'homme et ce qu'il faut en faire. Allons-y encore. Verset 5. Moi, si circoncis le huitième jour de la race d'Israël, oui. De la tribu de Benjamin, oui. Hébreu, né hébreu, quant à la loi. Né d'hébreu. C'est pour dire que sa lignée n'a pas de problème si il est sorti de la race élue. Il y a de quoi s'éventer, non? Il est circoncis le huitième jour. Pas vrai? Abraham lui-même, qui est le père de la foi, n'a pas été circoncis, oui. Il a de quoi s'éventer. Continue. Quant à la loi pharisienne. Oui. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Vous entendez cela? C'est-à-dire que si vous voulez vivre la vie des pharisiens, il était irréprochable. Comme vous voyez effectivement que il y a des gens qui disent de façon moderne que non, ma maman qui était catholique, elle était droite comme ça. Elle n'aimait pas ce que les catholiques faisaient là. Donc même dans le faux, elle était vraiment vraie. Comprenez ce qu'il a dit de dire? Il dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Pharisien. Donc il était assidu dans cette ville-là, il était sérieux. Les gens pouvaient vivre dans la forêt. Et dans le faux, il était quand même un vrai faux. Continue mon cher. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Vous avez entendu cela? Personne ne vous dérangera, ne vous demandera à la porte des cieux un jour que quel diplôme as-tu eu sur la terre? Jamais. Cette question, ça ne passera même pas. Quel est le diplôme que tu as eu sur la terre? Cette question ne passera pas. En fait, ça ne passera même pas dans un ordre là-bas. C'est ça, frère. Amen. Mais on va vous exiger l'amour. On va vous exiger l'amour. Si vous avez trois pièces que vous gardez dans votre poche, gardez ça jusqu'à ce que vous arrivez au ciel. Ces trois pièces-là, c'est la monnaie d'échange. Si vous n'avez pas les trois pièces, là, vous avez un billet, ça ne vous ferait pas entrer. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Alors, si vous livrez votre corps pour être livré, si vous n'avez pas la charité, ça ne vous sert absolument. Oh, donc, vous avez besoin de trois pièces de monnaie. Ces choses-là, dans la Bible. Vous voyez, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les fais quoi? Je les regarde comme là. Donc, pointe quelqu'un dans le nez. Dis tes diplômes. Tes diplômes. Tes prouesses. Tes prouesses. Ta voiture. Ta voiture. C'est la boue. C'est la boue. Voilà. C'est la boue. Construisez les gratte-ciels que dans tout 101 de Manhattan, allez prendre le dernier immeuble, faites que l'hélicoptère vienne atterrir que là-bas. Le jour que vous allez mourir, c'est pas là-bas qu'on va vous enterrer. On va descendre avec ça. Quand on descend, on arrive au niveau 1, au rez-de-chaussée, on entre encore en bas pour te dire que ta place, c'était là où tu étais sorti. Conformément à l'écriture, tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Donc vous voyez effectivement qu'on passe le temps dans la vie, on bâtit ce qui nous servait d'air, c'est vrai, absolument rien. Si vous lisez dans ce livre de 1 Timothée chapitre 6, là il a dit que, si, que la racine, la, quoi, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et plusieurs en étant possédés se sont quoi, jetés dans eux-mêmes dans bien des tourments. Il se tourne vers les hommes de Dieu et dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. C'est que le Saint-Esprit demande aux hommes de Dieu de fuir. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui disent qu'il faut s'en accaparer pour construire des empires. Il faut régner, il faut roi, il faut qu'on voit ton domaine de domination. Ton domaine de domination. Donc ceux-là fuyaient. Ils étaient fous. Pierre se met au temple, devant le temple, il dit que le paralytique le regarde, espérant avoir quelque chose. Il dit que je n'ai ni or ni argent. Pierre, qui a reçu le capitanat de l'équipe de football de l'église, on lui demande de l'argent, il dit qu'il n'a ni or ni argent. Mais les pasteurs de Jésus savent que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'argent et de l'or. Que l'or et l'argent appartient à qui? Vous dites à l'Éternel. Point. Donc Pierre ne connaissait pas ça. N'est-ce pas, frère? Pierre, lui, ne connaissait pas ça. Gardez le doigt là-bas, allons dans le livre, Marc. Marc. Marc chapitre 10. Ces choses vont encore se confronter ici avec la vantardise. Si vous êtes dans la cellule de Marc chapitre 10. Il y a un riche qui va venir voir le Seigneur Jésus. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais bien le commandement, non? Il dit lesquels? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, aime ton prochain comme toi. Il dit, ça, ça? Oui. J'ai fait ça toute ma vie. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? La question qu'il ne fallait pas poser à ce moment-là. Donc, il lui dit, j'en ai fini avec tes commandements. Il y en a encore. Il dit, oui, si c'est vrai, il t'en prescrit maintenant. Va, vends tout ce que tu possèdes. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 13, verset 44. Et de Luc chapitre 12, verset 37. Va, vends tout ce que tu possèdes. Ne donne pas à tes arrière-petits-fils. Distribue-le à qui? Oh. Quand tu auras fini de distribuer, c'est ce que tu vois que tu n'as plus rien. Puis viens et suis-moi. Ça, c'est la partie que quelqu'un n'aimerait pas entrer sur la terre. Et vous riez, c'est ce que nous disons. Quand nous lisons la Bible, nous sommes confrontés à cette réalité. Et c'est ce que la parabole en train de dire là tout à l'heure. Là. Tu vois, quand le frère a lu, malgré qu'il comprend la parabole, il veut comprendre la parabole autrement. C'est-à-dire qu'il souhaiterait que la parabole dise autre chose. Que la parabole ne peut pas dire autre chose là. Attendons. Quand il dit à cet homme, s'il va vendre tout ce que tu possèdes, distribue à nos mondes aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et il lui promet que quand tu vas venir me suivre, tu auras un autre là plus grand. Le monsieur se souvient qu'un de ces jours, quelqu'un lui a demandé que mais tu habites où? Il dit que les oiseaux ont des nids. Le fils de l'homme n'a pas reposé la tête. Il dit, ok, moi, quand il dit vends tout ce que tu possèdes, c'est parce que s'il a 4 immeubles, il fait quoi? Il vend. S'il a le compte en banque, il fait quoi? Il vide. S'il avait les champs, ils font comment? Il vend. Alors, s'il était milliardaire, et qui dit milliardaire à? Zéro. Il compte sur Dieu d'heure après heure. Et nous chantons les cantiques. Comptons sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Oui, papa, quand tu sens, quand il chante ça, tu comprends, c'est un ancien canticolo. Que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Je vous dis qu'on sera faux témoin. On sera hypocrite si nous avons un agent en banque au cas où il y a problème. Et que nous disons que nous comptons sur Dieu. Nous sommes des faux témoins. Il dit, par le temps qui court, il faut qu'il soit sage. Gardons un 3 millions de côté. Si c'est fort, on utilise ça pour manger. Vous faites ça. La Bible déclare que celui qui garde les semences est maudit du peuple. Celui qui épargne en excès devient plus pauvre. Mais celui tel qui donne libéralement devient plus riche. N'est-ce pas, frère? Mmh. Ok, maintenant quand vous faites ça, vous dites, oh Seigneur, tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui me donnes de quoi manger. Tu es sérieux là? Dans cette prière, dans cette prédication-là, dans ce que tu viens de dire comme verbiage, tu es sérieux? Ah, vous m'entendez, frère? Ah. Est-ce que dans cette, si vous faites la prière comme ça, vous êtes sérieux? Bon, maintenant. Comment, frère? C'est un sujet de Dieu. Donc, parlons. Quand quelque chose est Dieu, vous savez, quand vous allez à la maison, si vous rentrez à la maison, et que c'est votre maison, vous voulez y entrer, vous avez égaré la clé, vous n'avez que deux alternatives. La première alternative, c'est que vous devez entrer. La deuxième alternative, c'est que vous allez sauf que entrer. C'est-à-dire par tous les moyens, tu dois sauf que entre passer chez toi. Tu tu vas trouver la solution. Donc si c'est Dieu, on doit trouver la solution. Et donc maintenant, vous allez remarquer que nous pouvons être meurtriers sans s'en rendre compte. Amen. Et puis vous tenez comme ça, vous dites, oh Seigneur, je t'aime, merci parce que pour ton amour pour moi. Amen. Maintenant, vous tournez la Bible, vous voyez dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 22, il dit, si quelqu'un, il dit, bien-aimé, aimons en parole. C'est ça? On dit quoi? Mais en réalité, dans notre pratique, nous aimons en quoi? En parole. Donc, ce qu'on nous dit comme instruction de faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Il dit, bien-aimé, n'aimons pas en parole seulement, mais avec action. Quand on dit action, ça suppose qu'il y a de la force palpable, physique. Mais avec action et vérité. Puis, pour que le frère ne vienne pas poser la question à l'assemblée que c'est une parabole, il continue le verset. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ceux et que voyant son frère dans le besoin, il ferme son entrailles. Non. Le Saint-Esprit pose la question. Comment l'amour du Père demeure-t-il en? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu as ces choses-là? Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde aussi, et voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il y a la folie de la foi en Christ. Je vous le dis. Cette folie-là, c'est tenter de vivre comme Dieu veut en comptant sur lui d'heure après heure, comme on chante là. Vous tentez de vivre comme ça, la foi va traverser au travers de vous par l'amour dans la manifestation du Saint-Esprit. Dans ce livre de Luc, chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure, il dit qu'à ces choses-là, dans Matthieu, chapitre 6, vous avez vu, il a dit, vous ne pouvez pas servir Mammon et vous servez Dieu. Vous devez choisir. Et puis, il continue dans le développement. Il veut nous expliquer exactement. Et là-bas, il n'y a pas question d'interprétation. Vous ne pouvez pas interpréter, c'est dit clairement. Il dit que vous ne devez pas demander, ne dites pas qu'est-ce qu'on va partir, qu'allons-nous vêtir. Il dit que ces choses-là sont les païens du monde qui les cherchent. Il vous a dit une fois qu'il m'avait reproché cela. Il lisait, il priait, priait, il a dit, tu es un païen. Il dit, quoi? Un païen? Oui. Ne tu pas un païen? Et puis là, quand il a dit, quand il lui, ça, il dit, mince. Mais j'ai souligné. Quand celui qui parle, il est juste. Alors il a dit que ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Cherchez plus tout le royaume du ciel. Et tous les autres choses sont données par-dessus. Puis il dit, ne vous écoutez bien encore ces commandements-ci. Ne vous souciez pas du lendemain. Ok. Quand il veut dire, ne vous souciez pas du lendemain, ça veut dire que si vous êtes un peuple de la foi, il y a un Dieu qui contrôle toutes circonstances. Si vous avez la foi en lui, on ne peut pas avoir la foi en lui dans les choses temporaires sans avoir la foi en lui dans les choses de l'éternité. Et si vous dites que vous avez foi en Christ Jésus, que vous êtes sûr que vous entrez ce jour-là, les jours que nous ne connaissons pas, et que le lendemain qui est devant toi, tu ne peux même pas croire en lui qui va te donner la nourriture, le vêtement, vous avez un problème avec la foi. Pointe quelqu'un encore dans le nez. Vérifie que ton doigt est pointé vraiment sur quelqu'un. Dis ton épargne, c'est pour faire quoi? Juste comme si le cahier chaque jour, tu gardes. C'est votre frère qui a posé la question, donc laissez-moi parler. Il peut parler. Donc dans 1 Jean chapitre 3, il dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais avec action, c'est-à-dire que l'amour doit être prouvé. Dans Jean 3, les versets les plus célèbres de la Bible, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Puis dans Romains chapitre 5, il dit, Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour. Ainsi que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ autant marqué est mort. Donc voilà la preuve de l'amour, l'ultime. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand amour que cela. Et donc maintenant il dit, vous m'aimez, oui. Si vous m'aimez, vous devez aimer ceux qui sont nés de moi. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous n'aimez pas ceux qui sont nés de lui. Il va même au-delà de ça. Non seulement vous aimez ceux qui sont nés de lui, aimez encore vos ennemis. Ok, vous dites, non, je ne déteste pas mon ennemi. Il dit, ok, je vais te montrer en quoi consiste l'amour de l'ennemi. S'il a faim, donne-lui à manger. Point quelqu'un dit, c'est la phase pratique de l'amour. Il dit, si ton ennemi, donc si vous dites, non, je vois mes ennemis dans la famille, telle personne est mon ennemi, telle personne est mon ennemi, je les aime. Je prie pour eux. Donc on a dit que quand tu vas prier pour eux, c'est quand ils vont vous persécuter. Pour le cas de la mise en pratique de l'amour, c'est lui donner. C'est parce que c'est ici. Non, j'aime mes ennemis, je ne les déteste pas. Oui, vraiment, oui. Si tu aimes, quand ils ont faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous voyez que c'est déjà difficile entre les frères de donner. C'est à l'ennemi que tu vas donner. Donc on va trouver les justificatifs. Je peux te donner comme ça, par la sorcellerie. Il tourne ça contre moi. Ok, donc laisse donc ça. Donne à ton frère. Pointe quelqu'un dit donne à ton frère. Alors dans 1 Jean chapitre 3, donc, il dit, ne ment pas en parole, mais avec action. Gardez bien le mot, avec action et vérité. Il dit, pour être un peu plus clair, pour que vous ne dites pas que non, la Bible est très parabolique. Il y a des endroits qui sont clairs de façon limpide, que même l'eau de roche n'a pas plus clair éclaté. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, il y a une parabole, frère, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Le Saint-Esprit la présente, comment l'amour de Dieu demeure en lui. Ça dit, Savron dit quoi? Vous pouvez tester si vous aimez Dieu. Votre niveau d'amour pour Dieu, parce que vous n'avez pas de quantification d'amour sur la terre, un trait de juste de l'amour. La seule façon de faire pour savoir si vous aimez Dieu, c'est de regarder que la façon que vous manifestez l'amour envers les gens. Parce que les deux commandements qui sont les ramifications de tous les autres commandements, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ok, aime Dieu, comment savoir tu aimes? Pratique ça là, dans ton commandement. Vous savez ça, frère? Donc, ça veut dire que pour savoir que vous aimez Dieu, la Bible déclare que nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ceux qui sont nés de lui. Pas frère? Parce que nous ne savons pas comment tu peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas celui qui est né de lui, que tu vois. Donc, Dieu a mis de façon claire les gens autour de nous pour que nous sachions si nous aimons ou pas. Ça veut dire que nous pratiquons l'amour. L'amour ne se confesse pas seulement, ça se pratique. C'est pour ça que quand vous qui êtes marié, vous venez souvent, vous achetez des choses à vos femmes. Quand la Bible déclare que la femme qui est mariée cherche à plaire à son mari, comment elle va chercher à plaire à son mari pour faire des choses, parce que pour lui montrer les actes d'amour. Si vous la mariez, vous la déposez comme le pot de fleurs sur. Elle essaie, tu vas sortir, elle va sortir. Je ne voulais pas être gardien du foyer. Vous entendez les mots qu'on n'a jamais entendus. Je te donne tout dans la maison si tu veux quoi. Je ne veux pas être gardien du. Je veux aussi que tu viennes. Tu dis que chérie, je t'aime. Quand elle va rester devant, elle va voir la série, comment quelqu'un dit que maman, je t'aime. Ils vont se dire, je souhaiterais avoir cela. Et là, tu vas savoir qu'il faut lui dire, maman, je t'aime. Rentrant aussi, et voir dans le film qu'on a caché les fleurs derrière comme ça là. Après, on a tendu, on a dit, elle dit que j'aime que mon mari. Mais les fleurs sont sur la moi. Elle veut que tu lui fasses aussi ça. Parce qu'il faut prouver l'amour dont nous avons. Et donc, la Bible déclare dans ce livre de 1 Jean, chapitre 3, il dit donc que si nous manifestons l'amour comme ça, c'est comme ça que nous aurons l'assurance au devant de lui. Ça veut dire que Dieu nous a donné la façon de savoir si nous aimons ou pas. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Alors, je pose la question. Quand il dit, si quelqu'un voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire qu'il ne l'assiste pas dans ses besoins. Vous avez 2 millions. J'arrive quelque part, d'accord? Je vous aime, mes chers frères, mes chers soeurs, d'accord? J'arrive quelque part. Vous avez 2 millions gardés, 3 millions gardés, ou bien 400 000 gardés. Vous dites, j'ai fait mes petites économies pour mes projets futuristes. Si c'est ce que tu attends 2 ans de plus, vous faites le projet là avec qui? Ces projets que vous faites là, c'est avec qui vous les faites? Donc, d'une part, nous confessons Christ par notre confession de lèvres. De l'autre part, dans la mise en pratique de ce Christ, nous le rejetons sans nous en rendre compte. Nous le rejetons. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 25, si vous lisez dans ce livre-là, quand il va donner les comptes rendus de quand le trône sera assis, les boucs et les brebis, à l'un et à l'autre, il dit que ceux-ci vont au châtiment éternel parce que j'ai eu faim. Ils ne m'ont pas donné à manger. Ça, c'est la pratique. Pas vrai, frère? J'étais en prison. Ils ne m'ont pas visité. J'étais malade, nu. Ils ne m'ont pas vêtu. Et on dit clairement qu'ils seront surpris. Ils souhaiteraient voir Jésus. Il dit, quand avons-nous vu faire des choses et nous n'avons pas assisté? Il dit que toutes les fois que vous avez manqué de faire ça à ceux-là, c'est à moi que vous avez manqué. Donc, la mise en pratique de la face de l'amour. Et aux autres aussi, même ceux qui ont donné sans s'en rendre compte à qui ils donnaient. Parce que vous dites, Dieu a créé l'homme à son image. Savez-vous donc que quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est à l'image de Dieu que vous en avez fait. Quand vous frustrez quelqu'un, qui est grave encore quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus. Il a dit que si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en lui, il faudrait mieux que celui-là ne naisse même pas. Je veux que vous mesurez bien cela. Et puis, de l'autre côté, dans ce matchup, ils disent là, à partir du verset 40, il dit que si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra point sa récompense. Mesurez bien cela, frère. Mesurez bien cela. Mesurez bien cela. Il dit, il rabaisse au petit niveau que chacun a accès, l'eau. Ah, parce que le disciple Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il prenne soin de lui. Il dit, si vous faites ça, la récompense ne sera jamais éteinte. Écoutez la promesse du maître. Si quelqu'un vous donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, parce que vous êtes mes disciples, il dit, il ne perdra point sa récompense. Mais maintenant, plusieurs fois, il va envoyer ses apôtres sur la terre. Il va dire, exercez l'hospitalité sans murmure. Exercez. exercer l'hospitalité sans murmurer. Car plusieurs en l'exerçant ont logé les anges sans le savoir. Vous avez vu ça, frère? Exercer l'hospitalité sans murmure. Notez Romains chapitre 12, on va y revenir maintenant. Exercer l'hospitalité sans murmure. Faisons cela sans murmure. Donc, c'est vraiment dire que si tu exerces l'hospitalité, tu construis ta maison, les gens y habitent, les gens mangent. Mais d'autres qui sortent, ils disent, le frère là mange. Tu viens de dire que non, Jésus-Christ a un ventre, mon frère. Parce qu'il a dit, chaque fois que vous faites ces choses-là, c'est à lui que vous les faites. Tu donnes un couscous à Jésus, il mange, tu te plains encore, pourquoi? Toi-même, tu portes trois bouts de couscous, tu veux mettre sur la table. Tu veux qu'il fasse quoi de ça? Mais il mange maintenant, il sort, tu dis que... Les chrétiens, c'est pas les chrétiens, c'est à Christ que tu viens de t'adresser. Et il dit, exercer l'hospitalité sans murmure. Sans murmure. Voilà la vie chrétienne. Quoi, la phase pratique de l'amour? La phase pratique de l'amour. Donc, vous me permettez de développer ça avant de prendre votre question. La phase pratique de l'amour, c'est ce qu'on est en train de voir. La phase pratique de l'amour. C'est le thème qu'on a de voir maintenant, la phase pratique de l'amour. Bienvenue, d'accord? Notez aussi Jacques chapitre 2. Jacques le chapitre 2. Tite chapitre 3. Tu es fatigué, on a tellement donné le verset que tu as mis dans le que. Ok, ça c'est un autre pour vous. C'est la même famille. Tite chapitre 3. On va y revenir avec les versets. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée le chapitre 6. Le verset 17. On y va. Alors dans Galates chapitre 6, dans Galates le chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous ne pouvez pas à la saison des goyaves, ou bien à la saison de maïs, on a semé le maïs, tu dis que non, il faut qu'il mette le pistache au sol. Et puis tu vas dans ton champ, les gens cherchent le maïs, toi tu veux chercher le maïs, tu viens dire que oh, mon maïs qui était ici. Vous ne pouvez pas semer le pistache, vous espérez avoir du maïs. Vous me suivez, frère? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, Galates chapitre 6, verset 7, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Puis il dit, écoutez bien, très attentivement, mon cher, celui qui sèmera de sa chair. Tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras de ta chair quoi? La corruption. Ça veut dire que tout ce que tu fais pour nourrir, pour le bien-être sur la terre, sache que ça va conduire à la mort. Tous. Donc, tout ce que vous faites dans le développement sur la terre, vous faites que ce soit pour le progrès de votre être. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour votre chair. Ça ne sert à rien parce que la fin, c'est la corruption, donc la mort. Puis on dit, la Bible déclare, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, quoi? C'est quand même curieux. Ok, maintenant, la question devrait être, lorsque nous méditons, c'est comment donc s'aimer pour l'esprit? Si je lis ça dans la Bible, je dois poser la question. Parce qu'on dit, ici, si je continue à vivre comme ça, de cette façon-ci, ça me conduit à la mort. Voici la voie de sortie. Pour conduire à la vie, il faut s'aimer pour l'esprit. Tout naturellement, quelqu'un qui aime le Seigneur devrait poser la question, comment on s'aime pour l'esprit? Vous devez répondre à cette question. Et le Seigneur montre effectivement devant ce trône-là que les uns sont allés à la mort, les autres sont allés à la vie. Et parce que d'autres avaient semé sans même s'en rendre compte là où il était de s'aimer. Et lui dit, si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à mes disciples, parce que vous êtes mes disciples, ne perdra point sa récompense. Donc d'un côté, il y a la récompense, vous faites du bien à un enfant du Seigneur. Et de l'autre côté, il y a le châtiment. Il dit, si vous donnez un verre d'eau parce qu'il est mes disciples, vous ne perdra pas. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il faudrait mieux qu'il ne naisse pas. Alors maintenant, il faut qu'on reconsidère notre cœur maintenant devant lui. Combien de fois avez-vous frustré un frère? Il dit, laissons le cas de l'ennemi, parce qu'il faut qu'on étudie encore l'ennemi et comment il est arrivé pour s'aimer. Combien de fois avons-nous frustré un frère ou une soeur à cause du bien matériel? Méditez-y, parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Parce que souvenez-vous que chaque chose que vous faites, pour un chrétien, vous ne le faites pas pour lui. Que non, le frère la dérange, tu reprends les semences, tu pars. Vous faites ça. C'est à Jésus, vous avez dit cela. Vous donnez pas. Vous avez même intérêt à donner avec gentillesse, qu'il prenne avec gentillesse. Parce que si tu prends étant suffisant, c'est toi qui as le problème. Pointe quelqu'un. Dis si tu donnes, il est de ton intérêt de bien donner. Et même le remercier de prendre. Donc ne comprenez pas que, ne pensez pas que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui faites du bien. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du bien. Et par conséquent, si vous donnez mal, vous vous faites du mal. La Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Alors, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc l'Éternel a placé le pauvre comme le moyen d'échange. Donc l'Éternel a placé le pauvre comme un moyen d'échange. Et donc dans Psaume 41, il dit que heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Donc ceux qui s'intéressent déjà aux pauvres, voilà, pour la cause, vous prenez leur cause à cœur. Déjà, vous êtes déjà heureux. La Bible déclare que Dieu les délivre sur leur lit des malades. Oui, les gens sont chaque fois. C'est pour ça que quand on n'a pas compris ces choses, on commence à croire qu'on peut leur donner l'argent aux serviteurs de Dieu pour qu'ils prient, pour que Dieu comprenne. Parce que Dieu va voir ça, il va comme ça. Vous méprisez un enfant du Seigneur de ce côté, c'est parce qu'il est pauvre. Et puis vous courez, vous voir quelqu'un qui est bien habillé parce qu'il est proche de Dieu. Dieu ne fait pas d'acception des personnes. Vous devez corriger ce que vous avez fait ici. Alors beaucoup de personnes possèdent la maladie comme ça. Pas que le Saint-Esprit. Vous voyez des choses, je ne sais pas comment il va faire pour parler de ces choses-ci. Vous dites, ok, maintenant il faut qu'on prie. L'Esprit de Dieu ne fonctionne pas hors de l'amour. Parce que l'Esprit, la vérité, la parole et l'amour sont un. L'Esprit, la vérité, l'amour, la parole sont un. Parce que la personne qu'on appelle parole est la vérité. La personne qu'on appelle la parole qui est la vérité est l'Esprit. Et la personne qui s'appelle la parole, qui est l'Esprit, qui est la vérité, c'est là, il est amour. Il ne peut pas se régner lui-même. Parce qu'il est fidèle. Et donc, beaucoup de personnes ont les maladies dans leur corps à cause du mépris des pauvres. Beaucoup de personnes ont des cauchemars. Beaucoup de personnes ont des persécutions sur le plan spirituel à cause des pauvres. C'est la Bible qui dit. Il dit, si vous intéressez aux pauvres, Dieu ne vous livre même pas au bon plaisir de l'ennemi. C'est pas ce qu'il dit. Il veille sur toi. Dans Psaume, dans l'Ésaïe chapitre 58, il dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu fais entrer chez toi le malheureux sans asile, tu les couvres, il dit, alors, quand tu appelleras l'Éternel, il dira, mais voici. Je ne sais pas comment les choses peuvent être un peu plus claires dans la Bible. On contourne. Vous dites, non, je m'affaime dans la chair, il faut que Dieu me parle. Il a dit la façon dont il va vous parler. Faites ces choses, dégagez ce qu'il faut dégager et vous allez voir à l'œuvre. Dégagez ce que vous avez, il veut que vous dégagez et voyez-le à l'œuvre. Il dit, si tu vois un malheureux sans asile, accueille-le. Donne ta propre substance, il le fait. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut qu'il se dise, il a deux mains comme moi. Il n'y a pas de problème. Il y aura un moment, il va se coucher sur le lit de malade. Écoutez très attentivement, il veut que vous suivez dans votre Bible. Notez Luc chapitre 16 et puis il parle là. J'espère qu'il ne va pas vite ce soir-ci encore. La phase pratique de l'amour. La phase pratique de l'amour. Dans ce livre, chapitre 16, Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 32, où on parle des riches et de Lazare. Je veux que vous voyez encore la chose. Maintenant, la Bible déclare que on prend deux personnes diamétralement opposées sur le plan social. Ce sont des êtres qui sont constitués morphologiquement de la même façon, parce que l'autre n'est pas un animal. Ils sont fondamentalement des êtres humains. Mais les inégalités sociales les a séparés au point où les deux domaines de vie sont totalement différents et opposés. N'est-ce pas, frère? L'autre habitait dehors. Ses seuls compagnons, c'est le chien. Et même le chien le visitait par intérêt. Les chiens visitaient Lazare par... S'il n'avait pas la blessure qui sent, il ne vient pas. Par intérêt. Et donc, ce livre, la Bible déclare que le pauvre désirait même faire quoi? Manger? Qu'il mange à la table. Ça veut dire que ces choses qu'on jette dans la poubelle. C'est là où vous voulez manger. Donc, quand vous pensez que vous avez fini et que vous en avez vous à débarrasser, c'est là où quelqu'un commence. Quelqu'un. Allez dans les. Nous sommes en ville. Allez, vous allez voir, vous passez dans la zone de poubelle. Vous voyez quelqu'un là, il monte sur la poubelle, il prend les bâtons, il forme ça. Il ramasse même les couches des enfants, souvent, il dit de caca. Il cherche quoi? Il cherche la subsistance. Vous riez, vous regardez quelqu'un, vous souffrez comme ça. Vous voyez, la personne a les cheveux comme vous, les yeux comme vous, l'âme comme vous, l'esprit comme vous, vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Il cherche à survivre. Il cherche à survivre. Là, il ramasse des démons, des esprits. Ils vivent comme ça. Quelque chose peut le blesser la main. Il a toujours une maladie. Vous voyez d'autres qui ont les éléphantiasis à cause de ces blessures. Vous voyez, c'est un être humain comme vous. Vous posez la question, vous avez quoi? Mais chaque fois que vous dites, Seigneur, je souffre. Vous regardez la condition. Vous passez un jour à côté de cette personne, vous avez de l'argent dans la poche. Vous ne savez pas que vous êtes passé là-bas à cet instant-là pour un enseignement à votre égard. Parce qu'on n'observe pas. Et ces personnes-là, on souffre. Alors Lazare est dehors, on dit qu'il espérait manger même le miel qui tombe de la table de ces riches-là. Et même les chiens venaient laisser même ses ulcères. Donc même le chien ne cherchait pas intérêt. Regardez la condition de luxe que celui-là a. Regardez la division. Mais maintenant, peut-être pouvait sortir aller au travail le matin et dire, qui est là-bas? On met le gazier pour qu'il n'entre pas. Je crois qu'on a tellement ouvert le livre, on a tellement ouvert le livre aujourd'hui là. Je ne sais pas comment on va faire avec cela. 1 Timothée chapitre 6. Vous avez noté ça aujourd'hui. Je veux vous dire, je veux que vous me regardez pendant qu'il dit ceci. Vous avez n'importe quelle richesse que vous êtes à votre possession et que vous cachez et que les autres en souffrent, vous êtes maudit au sens propre et figuré de la Bible. Vous m'avez suivi? Amen. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, dans les cieux, ça va résonner jusqu'ici en bas. C'est la vérité quand même. Amen. La Bible déclare que celui qui garde les semences est maudit du peuple. Prenez le temps dans le livre Proverbe chapitre 11. Dans Luc, 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Souvenez-vous encore de ce que je viens de dire. Et puisse le Saint-Esprit graver ceci avec ce burin de diamant là dans votre cœur. Vous possédez des biens matériels terrestres. Et que les gens en souffrent et en ont besoin. Vous les possédez, vous les conservez. Vous les conservez à votre père, vous êtes maudit au sens propre et au sens figuré, d'après la Bible. Maintenant, le chapitre 6 de. Verset 17. Quelqu'un s'en vient de noter là. Frère Laurent, tu peux nous lire ça, le verset 17. Je demande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Stop. Vous avez entendu ce qu'on dit? C'est le Nouveau Testament, ça, frère. Qu'on dise quoi? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Non, ce n'est pas la parabole. Donc, ceux qui se considèrent comme riches du présent, ils ne doivent pas être quoi? Parce que la richesse peut octroyer les ailes. Deux, continuons. Eux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Stop. Quand la Bible dit de ne pas mettre leur richesse, leur espérance dans les richesses, quoi? Deux choses sont dites là-bas. Ou mieux, trois. Ne pas mettre leur quoi? Espérance. Alors tout à l'heure, j'ai dit, vous avez 2 millions ou 3 millions de côté. Vous dites que si par temps de mauvaises choses qui arrivent, je puisse puiser là-bas pour le faire. Vous montez, vous descendez, vous dites, j'ai foi en Jésus-Christ, vous n'en dites mentir. Parce que la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que je dépends de lui. Demain, le lendemain, à chaque jour, c'est ce qu'il a dit. Vous tournez, c'est lui même qui a dit. Un apôtre n'a pas en écrivant en fait l'erreur. Il a dit, à chaque jour, suffit sa peine. Maintenant, nous avons conçu tout autour de la société, toutes ces choses-là. Vous entendez qu'il y a l'association des ONG chrétiennes pour les soutiens mutuels. L'association des ONG chrétiennes. On met chrétien, ça pourquoi on comprend que c'est pour les chrétiens. Vous comprenez cela? Pour les soutiens mutuels. Pour l'assistant des veuves. Non, non, non, ça se trouve en milieu chrétien. L'amour est spontané. L'amour est spontané. Sa manifestation est spontanée. Quand le Seigneur était dans cette maison-là, cette femme est venue avec ce parfum de nard. Elle versait ses pieds. Elle n'a pas créé l'association des parfums. Que, si quelqu'un a besoin, elle verse ses pieds. C'est spontané. Elle répond spontanément parce que le pardon est spontané. Alors il dit que dites aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne point mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Donc ça veut dire que les richesses que vous avez sont les richesses quoi? Parce que la Bible déclare dans ce livre de Proverbes chapitre 24 là-bas que pourquoi veux-tu poursuivre ce qui va disparaître? Et c'est ce que nous poursuivons sur la terre. Vous levez le matin, réveillez-vous à 4 heures. Vous êtes dans les quartiers, on fuit les embouteillages. Vous dites, vous fuyez les embouteillages quoi? Les gens sont les dormis, vous sortez très tôt pour aller où? Il dit, je fuis les embouteillages. Enfin, nous sommes d'accord. Vous avez moi, frère et soeur? Ah, ne fuyons pas. Ok, tu sors, tu vas où? Réfléchissons ensemble. La personne part où? Pour chercher quoi? Et Dieu dit, c'est comme ça qu'il faut chercher l'argent. N'est-ce pas? Il faut chercher l'argent comme ça, là. C'est comme ça qu'il faut le chercher. Mais c'est la personne qui nous octroie la vie et qui nous donne le pouvoir, la respiration, le mouvement et l'être pour nous sortions pour aller faire ces choses. C'est lui que nous négligeons en dernier lieu. Nous sortons, nous disons, crou, 6 heures, wow, la moutarde m'a tué là-bas en route, oh, Seigneur, protège-moi comme je parle. Il entre encore en fonction pour travailler pour toi, pour que tu le fuis. Donc il travaille pour te préserver, pour que tu le fuis pour aller chercher celui dont il a dit que fuis-le, maman. Quand on rentre le soir, on fuit encore, on arrive très très tard le soir. Je dis, oh Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Je suis vraiment fatigué. Permets-moi de reposer ce corps, garde-moi pendant qu'il dort. Il serait ton garde du corps. Pour que tu sois encore très tôt le matin, il dit, ah Seigneur, j'ai accompli ce matin, garde-moi encore. Il dit, oui, je te garde. Pointe quelqu'un. Demande-lui, tu es au service de Dieu ou c'est Dieu qui a ton service? Pointe quelqu'un à gauche de l'autre côté encore. Pointe, dis la même chose. Dis que tu es au service de Dieu ou c'est Dieu qui a ton service. Je peux, vous pouvez me permettre de parler, frère. Donc, permettez-moi de développer jusqu'à ce que ça finisse. Alors, Dieu, dans cette parabole que le frère a pris dans la Bible, il montre clairement les principes du royaume. Dans Matthieu chapitre 13, verset 44, il dit le royaume des cieux de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Il a voulu dire que le plus important se trouve dans le royaume des cieux. Si vous connaissez cela, vous pouvez vous débarrasser de n'importe quoi pour saisir cela. C'est ce que le Seigneur lui dit. Et plus tard, il explique maintenant. Vendez tout ce que vous possédez, donnez-le à nos mondes. Parce que là où il y a le trésor, parce qu'il dit faites attention, il veut dire faites attention aux biens matériels. Ça va vous saisir. Ça va vous aveugler au point où vous allez perdre l'essentiel. C'est ce que mon Seigneur est en train de dire. Vous me suivez, frère? Amen. Alors je veux que vous compreniez. Dans ce livre de Proverbe chapitre 8, là, le verset 30 à 33, il dit que heureux ceux qui veillent à ma porte pour en garder le poteau. Comment est-ce qu'on veille à ses portes, frère? On n'a pas le temps pour la méditation. On soit à 5h30 parce qu'il faut que l'embouteillage vienne. Parce que le patron a dit, si tu viens au bureau, c'est 7h30, il y a les cahiers, on émerge. Si tu émerges 2, 3, 4 fois, le conseil de discipline se siège contre toi. On te donne les blâmes, les mises à jour là-bas, le salaire va diminuer. Il faut qu'ils me battent très bien, c'est pour l'ancienneté, pour qu'on augmente le salaire. Donc, c'est qu'on poursuit. Maman fuit, on le poursuit. Je veux que vous, pendant qu'on a parlé, méditez-y tout simplement. On sort à 5h. On travaille, on rentre à 18h. On demande à Dieu que protège-moi la nuit. Il te protège la nuit, tu le sors le matin, tu dis que la journée, la veille aussi. Il passe son temps à te servir. Même le moment où on se rassemble, même une heure qu'on a donnée, il faut qu'on regarde l'heure. Pas vrai, frère? Il faut qu'il rentre rapidement. Parce qu'il y a des choses importantes à faire demain matin, il faut qu'il dorme tôt. Même pour faire ça pour le travail. Même si vous êtes sous n'importe comment, vous levez très tôt pour aller au travail. Mais si c'est pour la Bible, vous avez rendez-vous avec la Bible à un certain heure, vous sentez un peu de fatigue, on dit, oh, Dieu va comprendre que nous sommes faibles. Mais le patron, lui, ne comprend pas que tu es faible. Pas vrai, frère? En réalité, le patron n'est pas celui qui t'emploie, c'est maman. En réalité. Parce que le jour que le patron dit qu'on n'a pas de paye, tu commences à te fâcher, pas vrai? Tu cherches le verset biblique. Que frère, je dis, le verset biblique qui dit que le verset biblique parle de patron employé. Après, on demande à ce Dieu-là qui a fait ces choses derrière, pardon, quand on te met de côté. Que Seigneur, rends-moi justice, oh Dieu, de haut des cieux. Quand le malheureux, que tu l'entends. Tu es malheureux, n'est-ce pas? Marc chapitre 10, là, allons-y. Il n'y a pas plus. Et remarquez très attentivement, dans un enseignement, je tente de vous dire que c'est l'esprit de cette époque-ci. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, vous voyez ce que l'Odyssée dit. Elle s'est quoi? Enrichie. Et cet enrichissement-là l'a aveuglé. L'esprit. Souvenez-vous, on n'a pas fini avec 1 Timothée 6, verset 17. Là. L'esprit de cette époque-ci, l'une des meilleures conditions pour la reconnaître, c'est l'aveuglement. C'est-à-dire la pauvreté spirituelle. S'intéresse. Oh, et justement, là, ce que le Saint-Esprit dit dans Apocalypse chapitre 3, par rapport à l'Odyssée, il dit parce qu'elle s'est dit qu'elle est riche. Elle s'est enrichie. Qu'elle n'a plus besoin de rien. Ça veut dire que son autosuffisance montre clairement quel Dieu est. Mais pourtant, il dit qu'elle a desservi Dieu. Vous voyez le problème, vous voyez le paradoxe, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette église de cette époque-ci croit que les richesses qui lui sont ingurgées viennent du Seigneur. Ah, Dieu nous a bénis avec un grand édifice à production pour le Seigneur. Comme au temps de Salomon, il a tenu verset d'esprit justifié. Comme au temps du Seigneur, Seigneur. Qu'on va invoquer ton nom en ces lieux-ci. Il a dit qu'il n'y a pas de lieu où on invoque son nom. Il a dit qu'en quelques lieux, on doit l'invoquer en esprit et en vérité. Donc même si tu cites comme autant de sens, ça ne marchera pas. Dans la seule livre de Marc, chapitre 10, donc, cette riche-là lui pose la question. Après, il lui dit que de quel. C'est quoi? Quel est encore le commandement qu'il reste à faire? Il a dit donc, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue, donne-le à mon monde, puis viens, suis-moi, et tu auras des récompenses anciennes. La Bible déclare. Le riche l'a observé, l'a regardé, puis il est parti. Et puis on dit qu'il est parti quoi? Tout triste. Tout triste. On a touché là où il ne fallait pas toucher. Et c'est la preuve donc justement que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez quelqu'un responsable qui a 250. Il a dormi. 250. 150. Par réflexe parce qu'il est devant une marchandise que chaque fois on dit 25. 50. Au point quand il dort, son homme intérieur lui dit Seigneur, Seigneur dit 250. Pendant qu'on dit, dans la Bible, dit qu'on se fortifie, l'homme intérieur avec pas son esprit puissant, lui se fortifie par l'esprit de maman. C'est-à-dire que même par les rêves, il appelle le CFA. C'est terrible. Après qu'on l'attache sur le lit, il dit que j'ai invoqué le feu de Dieu. J'ai été relâché. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change, toi frère. Il faut que vous preniez la décision de changer. Vous devez savoir, comment on peut dire à la, par notre confession que Christ est mort à la croix pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Et vous dites comme ça, le téléphone, pendant que vous allez dire, oh Jésus, le téléphone sonne. Oh Jésus, oh Jésus. C'est ce que... Excusez-moi, je m'en fais répondre au coup de fil. Vous allez répondre au coup de fil. Vous allez répondre au coup de fil. Votre employeur, vous êtes dans une réunion. Vous ne ferez pas ça, pas vrai frère? Vous êtes dans une réunion avec votre employé. Vous ne ferez pas ça. Mais devant le roi des rois, votre créateur, votre sauveur, celui qui vous octroie la vie éternelle, vous faites ça. Dans les autres ramifications des mammons t'ont pris. C'est pour montrer que tu es ami familier avec mammon et ses différents sous-démons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éteindre le téléphone un temps soit peu. Parce que on attend un appel très important. C'est très important. Et quand le téléphone va gâter, on va dire, Seigneur, accorde-moi le téléphone. C'est lui qu'on va demander. Accorde-moi le téléphone pour que je te désobéisse avec. Sans compter les choses qui passent au travers de ce téléphone, avec ce qu'on fait. On envoie en même temps le verset biblique et les drague les pensées impures. De faire de même yeux et de ces mêmes bouches qu'on va construire. Oh Seigneur Jésus-Christ, on va faire des choses impures. Pointe quelqu'un. Dis, choisis ton camp. Choisis ton camp. Sois sérieux ou bien tu vas dans le monde. Il peut avancer. Amen. Ok, maintenant, le verset 28. Lorsque le cet homme-là est en train de partir, le Seigneur Jésus-Christ va donner le décret qui sera difficile ou mieux même impossible. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? À un riche d'entrer dans le royaume quand un chameau ne passait pas le trou d'une aiguille. C'est terrible. Maintenant, regardez, comparez ce que le Seigneur a dit ici et ce que l'apôtre Paul a cité tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 6, là, verset 10. On va y revenir. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a trois choses là-bas à dire. Alors, le Seigneur dit qu'il sera impossible aux riches d'entrer dans le royaume quand au chameau d'apparaître par le trou d'une aiguille. La Bible dit que les disciples ont été comment? Étaient surpris. Parce qu'ils savent que les riches, normalement, ce sont les gens importants. Non, ce sont les gens, puisque quand ils passent quelque part, l'argent répond à tout sur la terre. Mais pas à tout vraiment sur la terre. L'argent répond à tout sur la terre. Mais pas vraiment à tout. Et même, lorsqu'on monte en haut, l'argent n'a pas de signification. Comme on monte là-bas. L'argent n'a pas des significations. Ça peut avoir des significations ici. J'ai rencontré des gens sur le lit de mort, comme ça. Ils souhaiteraient avoir un rein. Mais des milliardaires, ils souhaiteraient avoir un rein pour pouvoir marcher comme tout le monde. C'est-à-dire que si vous lui posez la question, je prends ton argent, je te donne mes deux reins, il dit oui. C'est-à-dire que donne-moi des deux reins que je marche comme tout le monde, même si je n'ai pas cet argent. Mais de son vivant, quand il était robuste, tu pourrais lui dire ça? Donc, attends qu'il s'arrête sur un lit où la maladie se trouve dans son âme et que les hôpitaux ne peuvent pas détecter de quoi il est question. Il souhaiterait avoir la vie. D'autres auront de l'argent comme ça, mais on va lui interdire de manger du sel. Que tu vas souvent manger telle chose, tu ne peux pas manger. Vous allez au restaurant, il reste comme ça, il te voit comme ça, comme un... N'est-ce pas un prisonnier ici? Tu as des milliards, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas jouir de ce qui est comme bénédiction. Et la Bible dit que là, c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Tu vois, quelqu'un, il est toujours avec ce que vous appelez quoi? Il faut piquer son doigt pour mettre sur un peu, pour regarder là où ça monte. Ma glycémie est montée. Diminue-moi le sucre. Pas vrai, frère? C'est pas la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance au Seigneur Jésus. Et c'est arrivé au point où on a dit qu'il y a les maladies des riches, les maladies des pauvres. Donc, ça veut dire que si vous êtes pauvre, vous êtes cherché la richesse, sachez qu'il y a des maladies qui sont attachées. Que ce sont les riches. Vous avez là vu un pauvre avant les crises cardiaques. Vous entendez quelqu'un dire, on dit, oh, monsieur un tel. Priez pour un des riches milliardaires de ce pays parce qu'il en est de le voilà qui en est parti. Il fait dans la brasse. Vous savez ce que vous buvez, vous saoulez là. Il est là devant, le voilà devant, en train de partir. Donc, vous dites, cette personne-ci, il fait dans tel domaine. Monsieur, votre société a brûlé. Première raison, tu entends le téléphone, tu me parles là. Arrêtez là. Sa vie était où, frère? Sa vie était là-bas. Donc il a entendu, il dit que donc toute ma vie a été ruinée. Et vous entendez la confession. Il dit que donc toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie pour rien. Ces confessions, je devais les pousser à comprendre effectivement que l'homme travaille sur la terre pour des vanités. Le Salomon est resté comme ça, il a regardé. Il dit, il voit vraiment comment, à quelle vanité Dieu a soumis le fils de l'homme. Dieu a soumis à la vanité. Vous sortez le matin, Personne ne dit, ne vient au marché pour dire que venez au marché pour vos marchandises. Mais une personne vient, deux personnes viennent, trois personnes viennent. Vous, finalement, vous voyez, il n'y a plus une personne, il n'y a plus de place pour passer. Vous dites, mais qui leur a demandé de venir se réunir ici? Le soir, personne ne dit à personne que rentrer. Chacun rentre. Vous allez dans le même marché, c'est vide. Le matin, on n'a pas écrit rendez-vous à matin à telle heure. Vous voyez, seulement, ils sont pleins. En tant que quelqu'un vient, chacun verse là-bas. Pendant que tu verses comme ça, le bandit a de surveiller ta poche derrière. Chacun fait son activité. Vous voyez? Et pendant qu'ils font comme ça, l'autre a de surveiller. Dans ces marchés se trouve tout un niveau de tout ça, de méchanceté qui se trouve la terre. Mais tous ont un point commun. Ils cherchent l'argent. Un point commun. Ils cherchent. Parce que tous ceux qui sont là-bas, c'est l'argent. Le tassement qui garde la route attend que tu finis d'acheter ce que tu as acheté. Tu viens donner sa cote parce qu'il doit devoir te conduire à la maison. Le chargeur qui est là-bas attend que tu viennes, tu entres. Pour que tu entres, pour que tu payes le tassement, pour que le tassement le paye aussi. Le bandit lui maintenant de guetter que tu sors de l'argent, qu'il sache que tu as l'argent ou prends sa part d'argent. Le policier t'écrit pas dans la fouille, dit que les temps sont durs. Gars, un peu mal seulement, tu vas me sentir. Chacun cherche seulement son argent. Tous, c'est l'argent. Je veux que vous compreniez à quel niveau l'homme a été rabaissé. Au point où on a pris la création des dieux, les feuilles issues de l'arbre. Et l'arbre que nous devons chercher, c'est l'arbre de la vie. De cet arbre-là, on fabrique un papier, le même papier que vous pouvez brûler. Écrit sur ça, 100 francs, 200, 2000, 10 000. On met, un être humain te met le couteau pour que tu lui donnes un billet de papier. Si tu ne donnes pas, il déchire ton vent à cause de 10 000. Voilà ce qu'il en est. À cette feuille qu'il est convenu qu'on appelle moyen d'échange, il suffit que quelqu'un montre au pouvoir et dise que cet argent ne vaut plus rien, que tu aies des candidats à la maison, ça ne sert absolument plus à rien. Et c'est cela que les hommes courent après. L'essentiel entre les hommes, c'est-à-dire que la puissance de l'amour, la fraternité, encore qu'en Afrique, si vous pouvez encore en avoir un brin, vous en avez encore un brin ici. Mais il n'y a pas de personnes que Satan a robotisé comme les gens du continent de blanc, où chacun est dans son propre prison, sa propre prison. Il a une prison où il est libre. C'est-à-dire que dans la soirée, il ouvre sa part de cellule, il entre. Satan dit que tu as fini avec l'argent, il dit oui, viens ici, il te robotise. Il est devant le Tintin, devant le Tintin. Devant le Tintin, il finit, il va à la maison. Le soir, ils sont encore, il vient, il est seul, il ne parle pas au voisin, il ne connaît pas qui est le voisin. Vous voyez, quelle est la société que nous avons? La dislocation. La dislocation. Mais les animaux dans les champs apprendraient aux êtres humains la communauté. Les êtres humains. Regardez le singe, la communauté. Regardez les lions, en communauté. Ça, cette nature-là devrait l'enseigner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait? On disloque seulement. Chacun construit sa maison avec la barrière. Il entre chez lui. Jusqu'à ce qu'il y ait le droit, ce qu'on appelle la violation des domiciles. Tu viens faire quoi chez moi? Ceci, c'est grave dans le monde. Le pire, c'est au milieu chrétien. C'est au milieu chrétien que ça se trouve. Alors le Seigneur dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Quand un pauvre, un chameau de passeport autour d'une aiguille. La Bible déclare que les disciples ont été tellement surpris. Parce qu'ils croyaient que les riches peuvent entrer facilement. Il n'y a pas un ange dans le ciel qui prend les CFA ou les héros ou les livres sterling. Jamais. On va regarder la marque de l'amour. La marque de l'amour. On ne peut pas imiter l'autre là. Quelque chose doit se passer en vous que vous fassiez cela. Alors, les apôtres ont réalisé que quelque chose s'est passé avec eux. Verset 28. Nous sommes dans Marc chapitre 19, frère. Verset 28. Pierre se mit à lui dire. À haute voix, frère. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. Oui. Et nous t'avons suivi. Oui. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Une des personnes qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Merci. Et dans le siècle à venir. La vie éternelle. Puis il va commencer à parler maintenant des règles du premier et du dernier. N'est-ce pas, frère? Que vous ensemble. Plus de 2 ans après, c'est là où les disciples se rendent compte qu'ils avaient abandonné tout ce qu'ils avaient à faire. Effectivement, si vous lisez Luc au chapitre 5, lorsque le Seigneur a fait prêcher l'apôtre Pierre avec Jean, la Bible déclare qu'ils ont tiré le canot, les canots qu'ils avaient, ils ont abandonné là-bas, ils ont marché avec Jésus. Ils ne sont pas rentrés vendre d'abord. Ce qu'ils cherchaient toute la nuit. Seigneur dit, avance-toi à nos prophètes, jette ton filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Il dit, avance, jette. Alors maintenant, qu'est-ce que, avance-toi, jette le filet, vous pêchez le poisson, après il reste tranquille. Vous finissez de pêcher le poisson. Je veux que vous mesurez la personne qui se tient devant nous et qui parle. Vous cherchez quelque chose. Toute la nuit, vous avez passé la nuit à travailler là-dessus. C'est votre travail, vous êtes dans la spécialité. Lui n'a jamais fait cela, mais il lui dit, va, jette ton filet, tu jettes. Tu pêches le poisson comme tu n'as jamais pêché étant spécialiste. Tu tires ça, il reste tranquille. Après, les gens ont abandonné. C'est la même chose qu'ils cherchaient toute la nuit. Mesurez bien cela, méditez-y. Et que lui, il leur a donné. Il lui dit, ok, vous êtes satisfait de cela? Voilà ça. Si vous voulez en quantité, je vous en donne. Et maintenant, est-ce que jusque là, vous êtes satisfait? En réalité, ce n'est pas le poisson qui cherchait, c'est cet homme-là qui cherchait. Puisque si quelqu'un peut dire quelque chose, que tu cherches, ça sort. Ça ne vaut plus la peine d'aller chercher ces choses-là. Il faut chercher celui qui dit ça. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc, c'est lui qui cherchait en réalité. Donc, le poisson ne servait plus. Allez, parce que s'il vendait le poisson, ça finissait là. Le lendemain, il devait encore venir chercher le poisson sans voir. Pas vrai, frère? Amen. Il suit la personne qui dit, sors, ça sort. Et donc, ils ont abandonné tout. Les filets, le canot, le 150 poissons. Si maman a dit ça le dimanche matin là, écoute, il m'en va à Youpoué pour aller chercher le poisson. En venant, il voit le bateau là-bas comme ça avec le poisson grave. Il y a quelqu'un? Oui. Il y a quelqu'un? Oui. Il dit que non, le verset biblique dit que si on trouve quelque chose volé, c'est pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Et porte, et pas. Mais on a abandonné. Regardez, l'apôtre Pierre dit donc que voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Abandonné. Il dit, qu'est-ce qu'il en est? Jésus lui dit, en réalité, c'est qui s'attache à l'abandon. Mais pas n'importe quel type d'abandon. L'abandon pour la cause de son royaume. Il dit, si quelqu'un quitte son père, sa mère. Vous avez vu le terrain là-bas, non? Pas quelqu'un dit c'est physique. Non, c'est pas spirituel. Non, j'ai quitté spirituellement. J'ai quitté, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse, il y a quatre banquets, il y a le canet ici, là. Donc Jésus lui dit qu'on quitte, on s'en débarrasse. Les dénonciations de Jésus disent non. C'est que le diable a dit qu'il va te voler. J'arrache. Arrache ton succès. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Arrache ton succès. Arrache ta promotion. Arrache. Ça va de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Jusqu'il lui dit que abandonner. Matthieu, Luc chapitre 2. Non, 1 Timothée chapitre 6. Donc. Frère, merci vraiment pour cette question. 1 Timothée chapitre 6. Donc dans ce verset 17, l'apôtre Paul dit qu'on recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ça c'est le premier volet. Parce que la richesse fait donner des ailes. Vous commencez à regarder quelqu'un du haut. On ne peut plus venir te voir n'importe comment. On dit que tu as quitté le clan. Jusqu'à ce que même les gens de ton classe disent que tu marches avec les plantons comme ça. Souvenez-vous que vous ayez l'argent. Ça n'ajoute aucun globule bas dans votre corps. Aucun. Ça n'ajoute aucun système de défense dans ton corps. Tout ce que tu peux faire, c'est soigner cette chair-là. Qui va plus tard te produire de la graisse ou tu vas dépenser ce même argent pour maigrir. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Et après le jour où tu meurs, les asticots te mangent encore bien, ils grossissent parce que tu avais bien nourri la chair. Et tout ce que tu peux faire, tu ne peux plus rien faire avec cela. Point quelqu'un dit sème pour l'esprit. Point quelqu'un dit sème pour l'esprit. Sème pour l'esprit. Et je veux que vous preniez du temps justement pour méditer sur ce verset 7 du chapitre 6 de Galates. Ceux qui sèment pour l'esprit, moissonnant de l'esprit, la vie éternelle. Gardez vous ceci. Donc sachez déjà dès le départ que si vous sèmez pour la chair ou moissonnant de la chair, la corruption. Et Dieu sait combien de fois on en sème. Donc il y a besoin de méditer là-dessus. Il faut méditer sur l'autre là. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnant de l'esprit, la vie éternelle. Puis il dit, ne nous lassons pas, le verset continue en disant, ne nous lassons pas de faire le bien. Pour montrer que c'est une chose physique qu'il a dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant. Le verset ne s'arrête pas là-bas. Il dit, si je vous aime comme ça. Si nous ne nous lâchons pas. Donc le verset ne dit pas seulement car nous moissonnons autant convenant, ça s'arrête là. Ça veut dire tu fais du bien. On te fait du mal. Fais du bien. Ne dis pas qu'un jour que non. Non, j'ai seulement la fesse de Mbunga. J'ai toujours fait du bien si dehors me fait non. Ça, l'autre aussi, il ne peut pas. À cet instant, tu as bloqué la bénédiction. Parce que tu ne sais pas. lequel des personnages viendra devant toi et prendra ce qui va déclencher la chose finalement. Donc c'est une bénédiction d'être dans la position de donner. Une bénédiction d'être dans la position de donner. Parce qu'en donnant, c'est toi-même qui te réformes. Ta vie te réforme et bien plus la descendance d'après toi. C'est pour ça que la Bible déclare que j'ai été vieux. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste quoi. Fais quoi frère? Souvenez-vous, le juste. Donc pas d'œuvre d'abord sans justice. Sans être justifié. Il n'a pas dit l'homme, il a dit le juste. Mendiant son pain. On dit quoi par la suite dans ce verset? Ni sa postérité. On dit, ne mangez pas son pain. Toujours, il quoi? Non, c'est pas cela. Toujours. Oh non, c'est pas seulement ça. Toujours, il donne. N'est-ce pas? Et sa postérité, comment? Béni quoi? Pour toujours. Donc, non seulement vous donnez. Vous avez intérêt à donner parce que vous donnez pour vos enfants et vos petits-enfants. Vous en allez mettre des choses à leur actif, à leur compte. C'est la Bible qui le dit. Il dit donc, je sais que vous n'aimez pas cela, mais regardez-moi bien dans les yeux, même pas les veilles. Je vais vous dire. C'est ce que la Bible, il a dit qu'il recommande aux riches de ces présents siècles de ne pas être orgueilleux. Hein. Puis il dit quoi? De ne pas mettre quoi? Leur espérance. Donc vous voyez effectivement que si vous ne faites pas attention, ce qu'on doit mettre en Seigneur Jésus, on le met finalement dans la richesse. Parce que notre Christ est notre espérance. Madame, dans ce cas, c'est quoi espérance? C'est que c'est quelqu'un, ou mieux, quelque chose sur quoi on compte pour nous relier au cas où il y a des temps de détresse. Comprenez cela, n'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, si Christ est notre espérance, nous nous reposons sur lui, comme il est moi, il est ressuscité. Baba, c'est que tu babas, je vais ressusciter avec lui. Quand il va venir, il va partir. Ça ne dépend pas de ce que tu dis de moi, ni ce que quelqu'un va faire, parce qu'il a fait cela. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors, de la même façon, quand le riche regarde son compte en banque, il regarde, il construit son compte, il parle, SM tape, quand ça donne, bam, 4 milliards, il reste tranquille, il est à l'aise. Exactement comme dans celui de Luc chapitre 12, verset 15, où le riche là, la Bible déclare que c'est égrené. Notez également ça aussi, Luc chapitre 12, verset 15 et suivant. Notez. La Bible déclare que le champ d'un homme riche, regardez, il est riche. Un homme riche, pas qu'un homme qui veut s'enrichir, il est déjà riche. On dit, ce champ avait beaucoup produit. Donc, ça n'est qu'il n'y a plus de place pour mettre la récolte. Il est en lui-même, il résonnait en lui-même. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait des choses. Le compte rendu de sa vie, c'est sûr qu'on a pleuré, on a fait le grand deuil. On a pleuré, ça cherchait le successeur. Mais le compte rendu du ciel est différent, frère. Parce que son histoire que nous disons dans la Bible, dans celui de Luc, chapitre 6, là, quoi, chapitre 12, là, personne sur la terre, dans son époque, ne savait ce qui s'est passé réellement. Nous sommes d'accord? Amen. Mais à nous, dans le livre des Romains, chapitre 15, verset 4, la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Vous comprenez cela? Afin que nous recevons quoi? La consolation que donnent les Écritures. Maintenant, ce riche-là se dit en lui-même, quand il est dans son palais, dans sa limousine, en train de méditer, que, qu'est-ce qu'il va faire de mon argent, de ses records? Personne, même celui qui est à côté de lui, même le conducteur, ne peut pas savoir. Mais le Saint-Esprit discerne les pensées et les cœurs. Il dit, ok, je sais ce qu'il va faire, on va casser les grenier, on va encore faire. On peut dire à mon âme maintenant, tu as de quoi manger. Donc le Gabon, c'est le Gabon du tout en commençant par le Congo, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que tu as dit? Première chose, insensé. Où est-ce qu'il disait ça au début? Donc vous pouvez être riche, faire n'importe comment, mais si vous n'avez pas Christ, vous avez tout perdu dès le départ. Insensé. Ça dit qu'il est en train d'agir exactement comme un fou. Mais si vous le regardez sur le plan économique, vous allez dire non, il fait ce qui est bien, non, il dispose bien. Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as stocké, pour qui? Tu stockais donc ça pour qui? Puisque tu n'as pas goûté un seul. Mais ces choses-là, on fait chaque fois. Quand quelqu'un dit que je suis dans tel chantier, j'ai mon immeuble qui est là-bas. Wow, j'ai ici. Wow, je suis pas là-bas. Qu'est-ce que tu cherches, au juste frère? Qu'est-ce que tu cherches? La Bible déclare dans Isaïe chapitre 5, maudit soit celui qui ajoute champ après champ. Tu dis que quelqu'un dit que j'ai 3 immeubles, 4. J'ai l'autre là-bas, ou l'autre village, j'ai 2. Dans mon sous-sol, j'ai 5 voitures. Frère, tu as 5 mains, 5 têtes, que j'ai la Ferrari, juste parce qu'il y a même un pasteur qui a acheté la Hummer pour son enfant de 8 ans. Que c'est son anniversaire, 4 ans, que c'est pour le cadeau, son cadeau d'anniversaire. L'autre encore, plus fou encore, sa maman est décédée, elle dit que je vais l'enterrer. Où c'est que non, c'est dans Hummer. Il achète le Hummer. C'est quoi dans les 150 millions? Mais je ne sais pas combien ça coûte. Il met 200 millions. Une voiture de luxe. Il met sa maman à l'intérieur, on creuse le grand trou, on pousse dedans. Il baisse la tête. Pendant qu'il fait comme ça, là où il est enterré, il y a une tordue d'une maman là-bas qui souffre. Après, il sort, il jette l'argent dans comme ça. On dit que non. Oh, oh, oh. On dit qu'il a farouté. On a pleuré bien la maman du type-ci. Là où il se trouve là-même, c'est ce que Marie a donné sa place à la maman là. Voilà la folie qu'on peut avoir sur la terre. Mais l'ascension de Dieu, ce sera insensé. Insensé. Et donc, vous voyez que chacun peut être meurtrier à grande échelle et même à petite échelle. La Bible déclare que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier. Il dit non, je ne déteste pas. Ok. Et il dit prouve ton amour envers lui. Non, je ne déteste pas. Prouve ton amour. Si tu ne fais pas, ça veut dire que tu es. Quand il prie, oh Seigneur, Seigneur, viens manger, il dit ta nourriture se trouve chez ton voisin. Dieu te donne, tu stocks. Vous avez vu le robinet garder l'eau. Si le robinet garde l'eau, vous-même, vous n'allez pas passer tous les tuyaux. Hein, frère? Quand vous allez, le robinet, c'est le plus obéissant. Ils ouvrent. Et donc, la Bible déclare donc que nous sommes des sources de bénédictions. On doit être des sources de bénédictions. Et maintenant, que votre lumière luise parmi les hommes. C'est donc qu'on s'enferme dans les quatre, mais je suis la lumière du monde. Je brille, je brille, je brille. Il faut arrêter les bêtises. Il faut vraiment arrêter les bêtises. On n'a pas demandé que briller en criant. Briller seulement. Tu brilles. Quand tu sors, quelqu'un a faim, tu dis que qui, moi, quand il travaille, ça y est, la sueur de mon front. Toi, tu brilles là, frère. Il dit, ne pas mettre leur espérance dans des richesses, quoi, incertaines. Mais, ça continue maintenant. Mais de là mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Frère, on a dit qui nous donne. Abondance. Hein? Ça, c'est le bataille par ça, qui nous donne. Qui nous donne avec abondance pour que nous en jouissions. Maintenant, puis il va donner entre nous deux. Commandement à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Recommande-leur de faire du bien. Stop. Pointe quelqu'un. Dis que si tu es riche. La Bible dit que le prédicateur dit que tu fasses du bien. Maintenant, regardez bien ce qu'il en dit. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dans Luc des Galates, chapitre 6. Que nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant que nous ne nous lassons pas. Et là, il dit que celui qui sème pour l'esprit moissonna de l'esprit la vie éternelle. Écoutez bien par rapport aux riches maintenant. Il dit qu'on leur dise, on leur recommande quoi? De faire du bien. D'être, allons-y. D'être riche en bonne œuvre. D'avoir de la liberté. D'avoir de la liberté. De la générosité. De la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur donc, un fondement solide. Donc, en faisant ces choses, si on a d'amasser. Vous voyez pourquoi il vous a dit que vous êtes dans une position de donner, vous faites pour vous. Donc on dit que si le riche en fait comme ça, la libéralité, les bonnes œuvres, en faisant ça, il est en train d'amasser ainsi, en faisant ces choses-ci. En faisant ça, il est en train d'amasser comme ça, quoi? Des trésors. Trésors quoi? Placés sur un fondement solide, afin de servir la vie éternelle. Vous avez la fin encore une fois de plus. Donc vous ne pouvez pas contourner la Bible. Quand il dit s'aimer de l'esprit, l'esprit, vous devez marcher comme ça. Amen. Non, frère, je t'aime. Mon frère, ce soir, oh mon Dieu, tu m'as béni vraiment ce soir. Que Dieu te bénisse. Pardon. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre. Quoi? Jacques chapitre 2. Vous entendez quelqu'un vient chez vous, il s'assoit. Vous entendez son ventre dire. Ses verres veulent manger. Tu dis que ma soeur, j'ai une révélation cette nuit. Tu as lu la Bible, les sept tonnerres. J'ai entendu la voix des sept tonnerres cette nuit. On va encore faire. C'est pas le tonnerre. C'est pas le tonnerre qui fait. Elle a faim. Et c'est qu'elle a faim, c'est la nourriture physique. Parce que le bruit là est physique. Tu as eu quelque chose de spirituel. Il n'y a pas de problème. Là, il doit manger. Point quelqu'un dit sois riche en bonne œuvre. La soeur aussi sent, le coquille sent. Le coquille l'a brûlé. Il dit non, je viens de mettre l'eau. Tu sais que le coquille dit trop au feu. Ma soeur, ouvre Daniel, chop. Pointe quelqu'un. Dis, soyons vrais en amour. Et prouvons notre amour. Le coquille est cuit, tu ne fais que mettre l'eau. Après, elle aussi, le ventre fait. Il dit que ton gaz va finir. Il dit non, le gaz là, il vient d'acheter. Vous ne comprenez pas que la soeur André voulait dire que ma soeur laisse la Bible, tombe à la nourriture. Ah mon Dieu, la Bible. Jacques chapitre 2, vous y êtes? Maintenant, écoutons très attentivement. Jacques chapitre 2, c'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Mais gardez-vous à l'esprit 1 Timothée chapitre 6, verset 17 et 18. C'est ce qu'on a dit là-bas. Vous savez, on doit vous enseigner ces choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. On doit vous enseigner ces choses. C'est comme vous êtes. Vous allez. Il y a des pasteurs qui ont dit. C'est comme un pasteur. J'avais dit. Vous avez un pasteur. J'ai vu un document chez lui. Il dit pasteur, c'est quoi ici? Je vois le titre. How to raise funds. Le titre, c'est How to raise funds. Comment susciter les fonds. Vous ne donnez pas. Ils vous manipulent sur ce que vous donnez. Après, il dit mon frère, il donne avec joie. Tu ne peux pas donner avec joie. Ben maintenant. On est obligé de vous enseigner ces principes que vous comprenez, que vous avez intérêt à faire parce que ça, votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Parce que votre capacité à vous relier sur le sol spirituel dépend exactement et proportionnelle à votre capacité à vous débarrasser des choses du matériel. Si vous dites, ah mon Dieu, le pasteur a pris tout mon argent, c'est lui qui est dans les problèmes maintenant. Parce qu'il va falloir que lui-même lise la Bible, il voit qu'il va s'en débarrasser aussi. Personne n'a accepté. Personne n'est accepté. En réalité, quand il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, il n'a pas dit les chrétiens affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est tous ceux qui veulent aller en haut. Vous comprenez? Si vous aimez les villas, attendez qu'il y aura un enlèvement. Prenez tous les villas, vous allez voir qu'il y a des questions. Mais, si on te donne une villa, tu vas payer l'électricité. Non, je veux un truc avec les piscines. Tu peux payer l'eau de la piscine et nettoyer. Point, quelqu'un dit le marigot nous suffit. On vous donne des maisons. Donne-moi un grand Seigneur, donne-moi une grande maison. Donne-moi ceci. Donne-moi. La Bible déclare qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Ne vous inquiétez pas que vous n'ayez pas la nourriture ici. Il lui a dit que ici, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est la Bible, frère. Alors maintenant, c'est attaché à la sainte doctrine. Ça, c'est une partie de la sainte doctrine. L'enseignement que vous en avez recevoir, c'est l'enseignement de la sainte doctrine. L'enseignement de la sainte doctrine, ce n'est pas nous sommes fils de Dieu, oh frère. Christ est mort, nous sommes dans la sanctification. Dans la sanctification. La personne qui parle de sanctification, une partie de lui c'est sanctification, une partie de lui c'est l'amour. Vous me suivez, n'est-ce pas? La nature de la sanctification est amour. La nature de la sanctification est amour. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sanctifié avec un cœur méchant. On ne peut pas faire autrement. Alors donc, gardez, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 17, 18, en esprit. Maintenant, Jacques chapitre 2. Vous y êtes dans Jacques chapitre 2. Frère Constant, tu peux nous lire à partir du verset 14. Écoutez très attentivement, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Stop. Vous avez suivi la question qui est posée, non? Que mes amis pentecôtistes, ça te sert à quoi de dire que tu parles en langue s'il n'y a pas les preuves de cette langue? Vous pouvez tourner la phrase n'importe comment, ça dirait la même chose. Hé, hey, ma soeur, j'ai eu une révélation cette nuit. La révélation cette nuit, oui. Une grande révélation. Le Seigneur m'a parlé. Les anges me parlent. Il y a 4 anges qui sont venus dans ma maison. J'ai dit, oh Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes chez moi? Tu accueilles les anges chez toi. Les gens pour qui Dieu est mort, tu ne peux pas les accueillir. Ceux qui sont venus là sont les démons, vraiment. Ceux-là qui sont venus, ce sont les démons. Notez Actes chapitre 10. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans Actes chapitre 10, c'est l'histoire de Corneille. Regardez très attentivement. Dans cette histoire de Corneille, la Bible déclare qu'il avait l'habitude de prier. Donc vous voyez effectivement la vie pieuse d'abord. Et dans cette vie pieuse, était attachée et ajoutée la mise en pratique de la familiarité de l'amour. Quand un ange est venu chez lui, il a fait le compte rendu de ce qu'il faisait sur la terre. Il dit, Corneille, ta prière et quoi? Et quoi, frère? On fait quoi? Monter jusqu'à Dieu. Alors, je pose la question. Le parfum que nous dégageons dans notre quotidien, avec nos prières, qu'est-ce qui accompagne notre prière au ciel? C'est-à-dire, le cri que nous crions vers Dieu pour attendre exaucement. Est-ce que les uns et les autres qui crient vers nous pour attendre l'exaucement, nous le faisons? La Bible dit, celui qui ferme ses oreilles au cri des pauvres, criera lui-même, et l'Éternel ne l'exaucera pas. Vous cessez, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, celui qui ferme ses oreilles au cri des pauvres, criera lui-même. C'est vrai, le pauvre dit, pardon, je vais manger. Son besoin, c'est de manger. Toi, tu n'es plus atteint, tu as dépassé le niveau de la subsistance par le manger. Mais il y aura un autre niveau où tu auras besoin. Peut-être dans un problème avec le juge, avec la terre, quelque chose de la terre. Peut-être un problème de maladie. Et tu vas te tenir vers quelqu'un qui peut dire, oh Seigneur, dans cette situation, ce n'est que toi qui veux m'aider. Mais quelqu'un était aussi devant toi pour dire, toi qui es riche là, ce n'est que toi qui veux m'aider dans ma situation. As-tu pratiqué la miséricorde? As-tu pratiqué la miséricorde? Et donc la Bible déclare, dans Luc chapitre 6, qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On va vous verser, secouer, et ça va déborder. Amen. C'est de ça dont il a dit parler du Seigneur. Donc prenez comme style de vie la vie de partage. Que ce soit votre style. Que ce soit votre style. Si vous bâtissez votre vie ainsi, vous n'aurez pas de tristesse ni de palpitations dans le cœur. Parce que votre cœur sera bâti sur un fondement sûr. Une bonne relation. Et maintenant, vous allez entendre, pour ce qui est du Cameroun, ou bien des pays africains, on dit qu'on a condamné quelqu'un qui avait volé 50 milliards. Vous dites, ça c'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier. Donc il a volé 50 milliards. Tu dis, dans les conditions, il faut qu'on le tue même. Non, c'est un méchant. Il garde 50 milliards comme ça pour lui, alors qu'avec 1 million, il devait boudonner la route. 1 million pour ouvrir l'hôpital. Ça, c'est parce que ça n'a pas été grand. Et tes 200 000 que tu as gardé. Parce que là, le besoin de route, c'est dans les milliards. N'est-ce pas, frère? Amen. Le besoin de ton voisin, il veut 5 000. Et ces 5 000-là suffiront pour avoir la nourriture à ses enfants. Acheter des médicaments à ses enfants. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et si cet enfant s'y meurt, par suite du fait qu'il n'y a pas de médicaments, tu es autant meurtrier comme celui qui a volé 50 milliards. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que, avant de nous mesurer pour juger, vérifions notre passé. Vérifions notre entourage. Amen. Vérifions que nous sommes en règle. Donc vous voyez effectivement que les gens qui sont dans les sphères de la société ne sont pas les seuls bandits. Vous voyez pourquoi on a besoin de repentance, frère? On a besoin de repentance. Vous dites, non, moi je souffre trop. Posez-vous la question tout simplement. Qu'as-tu que Dieu peut multiplier? Posez-vous cette question et vous aurez le résultat. Posez-vous la question. Si vous posez bien la question et que vous lisez bien votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez toujours voir que Dieu a toujours pris quelque chose des hommes pour multiplier. Donne-moi ton fils, ton unique Isaac. Il part, il donne. Vous voyez cela, frère? Vous avez vu ça, frère? Il donne. Moïse descend en Égypte. Il veut descendre avec un jet d'âme. Qu'as-tu dans la main? Vous avez vu ça, frère? Ah, Gédéon, va à Héro. Va avec la force que tu as. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Ah non, renvoie ces personnes, ceux qui partent, ils ne veulent pas manger, ça fait 3 jours. Donnez-les vous-même à manger. Où est-ce qu'on trouvera le pain pour 200 deniers? Il n'y a qu'ici 5 pains. Il y a ici 5 pains. Et à partir de là, il veut. Travailler avec le Seigneur. Travailler avec le Seigneur. Ah, Dorcas. Dorcas est mort. Acte chapitre 9. Dorcas est mort. C'est 36 là, c'est là où je dis. Dorcas est mort. On l'a lavé. Votre Pierre. On l'a appelé. Viens. Voici Dorcas est mort. Qui est Dorcas? Quel est le compte rendu qu'on donne d'elle? Elle était. Riche en bonnes œuvres. Au milieu des saints. Dans son témoignage, j'étais là. Les pharisiens. Ah, Jésus, c'est vrai qu'on te détraque à chaque fois. C'est vrai qu'on te dérange chaque fois. Mais cet homme, s'il mérite que tu lui fasses ça, va sauver sa fille. Il aime notre nation. Et c'est même lui qui a bâti notre temple. Jésus l'a regardé comme ça, dit, lève-toi, jeune fille. Comprenez ça, frère? Ne dis pas que Seigneur, oh Seigneur, j'ai quoi à donner. Il a dit que cette veuve là, cette pauvre veuve avait 2 pièces, elle a donné plus que toute personne, parce que elle n'a pas donné plus que toute, parce que dans son cœur elle aimait. Non, c'est pas cela. Il dit parce qu'elle a donné des sa subsistance. Donc quand elle donne comme ça à la maison, il n'y a plus rien. C'est vrai, on dit que la façon que Dieu veut que vous donniez, c'est donner ce dont votre vie en dépend. C'est pas ce que vous saisissez. Si vous donnez pas ce que votre vie en dépend, vous donnez les miettes, vous donnez ce qu'il a dit, les superflus. Et si vous donnez les superflus, ce n'est pas la libéralité. On peut continuer, frère. Amen. C'est pas la libéralité, ça. Il dit, mes frères, que c'est-il? Nous sommes dans Jacques chapitre 2, chapitre 2, verset 14. Mes frères, il s'adresse à qui là? Qui ça? Au frère. Mes frères, dans le chrétien. Mes frères, que c'est-il à un homme de dire quoi? J'ai la foi. Ah, j'ai une grande foi. Tu es pris là maintenant, tu vas voir. Ça te sert à quoi? De le dire si tu n'as pas quoi? Pointe quelqu'un. Dis la foi invisible. Les œuvres de la foi sont palpables. La foi est invisible, certes. Mais ses œuvres sont palpables. Voilà. Ça veut dire que je peux te mentir que j'ai la foi. Comme on a vu, parce que c'est lié avec l'amour. Ah non, frère, je t'aime, frère, je t'aime, frère, je t'aime. Pointe quelqu'un. Dis-tu même? Tu m'aimes. Prouve. Prouve. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ah, ma sœur, je t'aime. C'est pas les bisous, les mondains sont font ça. Et même bien plus, même les pratiques que nous venons là, ils en font. Ces choses-ci, n'ayant pas compris ces choses-ci, ça a mené à ce qu'on construit les ONG chrétiennes. On a construit les orphelinats. Dieu n'a pas demandé qu'on enferme les gens pour les discriminer. Dieu veut que là où il y a manque, qu'il y ait un pourvoyeur pour manifester l'amour du pourvoyeur. Pour manifester l'autre attribut du pourvoyeur. Dieu ne veut pas qu'on enferme les gens que nous voici un orphelinat. Vous entendez un chrétien dire que non, je cherche ça, nous sommes en exam. Je cherche un orphelinat. Il veut essayer de construire que si Jésus vient en exam, qu'il sache qu'il a moins fait une bonne œuvre. Ce n'est pas la façon. Vous devez vivre ces choses à la manière chrétienne. Donc de la même façon comme vous respirez. L'amour est notre quotidien. C'est pas ce que c'est ici. L'amour est notre quotidien. Vous dites, non, la vie chrétienne, c'est un style de vie. Voilà le style de vie. Ah, je crois que, plaise au Seigneur, la semaine prochaine, on va continuer dans ces mêmes thèmes jusqu'à ce qu'il développe et épuise ça. Vous dites, la vie chrétienne, la marche chrétienne. Marche chrétienne, ça suppose que le monde a le style de vie. Le style de vie chrétien, donc, a ses différents attributs, ses différentes manifestations, différentes ramifications. Jésus a dit, à ceci. Je vais finir, frère. Amen. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes. Si vous parlez en langue. Non. Pardon? Non. Si vous parlez en langue. Non. Si vous portez les grosses Bibles. Non. Vous mettez la croix au cou. Non. Vous construisez une grosse basilique. Non. Avec la croix en haut. Non. Allumée dans la nuit. Non. Il dit aussi, vous avez quoi? Non. L'amour. Donc, le signe des authentiques croyants. Bon, maintenant, il dit que à ceci, ce style d'amour, tous se reconnaîtront. Bon, maintenant, ça veut dire que si c'est les gens de l'extérieur doivent reconnaître les chrétiens, eh bien, dans ces cas, on voit l'amour avec les yeux. Il parle de quoi, frère? Les yeux. Les yeux. Ah, vous comprenez la Bible, simplement. Vous comprenez, vous voyez, la Bible est simple. Et vous la comprenez. Vous comprenez souvent, mais vous refusez que j'aime pas la compréhension. Que Seigneur, où mon esprit qui comprend. Là-bas, y a, tout ce qu'on dit, c'est soit il n'y a pas de parabole. Il n'y a pas besoin d'ouvrir ton esprit pour comprendre. Parce que quand tu caches ta nourriture à la maison et que ton frère là, tu sais que tu as caché. C'est pas ce que c'est ici. Et donc il dit, dans ce Jacques chapitre 2, verset 14, il dit, mes frères, que sert-il à un homme de dire, j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? Continuons la lecture de l'apôtre Jacques. La foi peut-elle le sauver? Donc, il dit quoi? La foi peut-elle le sauver? C'est-à-dire que si on te met devant le tribunal de Christ, tu penses que tu vas t'en sortir avec ce que tu en as déclaré? C'est ça, n'est-ce pas? Continuons. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Pointe ton point, quelqu'un dit que ce n'est pas une parabole. C'est la vie pratique. Voilà. Donc on dit que si un frère ou une sœur quoi? Sont nus. Hein, et de la nourriture de chaque jour. Et que ton frigo est congelé. Il y a des poulets pour 12 mois. Donc, ce poulet, c'est pour le mois de juin. L'autre poulet, c'est pour samedi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait la programmation. Parce que les compartiments des frigos sont destinés à des jours particuliers. Il y a même l'emploi des temps culinaires. Le mardi, c'est condré. Mardi, c'est condré. Mercredi, c'est le ndolé. Jeudi, c'est le coquille. Et la sauce jaune le dimanche. Donc, l'emploi des temps culinaires. Il dit, tu fais cet emploi de temps-là. Ton frère manque de la nourriture de chaque jour. Tu dis, hey, ma soeur, hey, je vois la gloire de Dieu sur toi. Ton visage brille comme la, ce qui brillait sur le visage d'Étienne. C'est le jeûne qu'il a fait comme ça. C'est le jeûne qu'il a rajeuni. Parce qu'il a tellement jeûné qu'il n'a pas d'outil. Dieu l'envoie vers toi maintenant pour que tu lui donnes un peu de rafraîchissement. Tu es l'amener dans le monde spirituel. Allons-y. Quoi? Écoutez, la nourriture, il y a la nourriture spirituelle. Amen. Il y a la nourriture physique. Jésus, même quand il faisait, elle a fini de prêcher. N'avait-il pas faim? Ok, continuez, ce frère. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Alléluia. Continue, frère. Chauffez-vous. Oh, Dieu te bénisse, mon frère. Et vous rassasiez. Qu'il te bénisse. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. Stop. À quoi sert-il? Amen. Donc, on va utiliser ce langage-là. Lève-toi, ma soeur. Donc, cette soeur-ci a la nourriture. Cette soeur-ci, lève-toi. Comme ça a commencé, oui. Allons-y. Cette soeur-ci a besoin de la nourriture. Cette soeur-ci a la nourriture. Elle vient vers elle. Ne voulant pas demander. Parce que dans ce principe, elle dit non, il demande moi pas des choses comme ça. Mais il faut qu'elle fasse la manière pour que la personne se sache qu'elle a besoin de la nourriture. Mais elle est là, elle entend le ventre de ça, elle fait pas. Le ventre normal ne fait pas. Quand elle fait pas, ça veut dire qu'il y a des habitants là-bas qui réclament leur Dieu. Il y a la dette. Et c'est une dette que Dieu a ordonnée. Quand tu vas finir tourner par jour, tourner. Quand tu vas t'asseoir, le ventre va dire que donne-moi. C'est pas ça, frère. Tu mens que tu es satisfait. Il t'attend à 18h. 18h, il dit quoi hein? Donne-moi. Alors, cette soeur-ci n'a pas de nourriture. Et celle-ci est sa soeur. Celle-là a cette emploi de temps culinaire, comme je vous ai dit, elle a des réserves. Maintenant, cette soeur-ci la voit. Elle dit oh, ma soeur, vas-y, comme vous avez dit là, que le Seigneur te bénisse. Fais-lui les bisous même. Vas-y. Oh, bonjour, ma soeur. Vous avez suivi l'expression que le Seigneur te bénisse quoi? Abondamment. Abondamment. Ça, c'est les lèvres. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Ce qu'elle vient de faire avec les lèvres là est appelé quoi publiquement? C'est la salutation spirituelle pour placer la grâce de Dieu sur cette personne. C'est la salutation spirituelle pour placer la grâce de Dieu sur cette personne. Mais là, nous nous trouvons dans un problème. Ce dont elle a besoin, la grâce de Dieu, est déjà descendue. Et il se trouve que c'est elle qui garde ça. Donc elle n'a plus besoin de bénédiction de Dieu ici. Elle va dire que ma soeur, je t'ai béni. Venez vous asseoir. Et donc la Bible déclare ici que si un frère et une soeur sont nus et ça c'est la nourriture, c'est le corporel, et manque la nourriture de chaque jour. Maintenant, dans 1 Timothée, on a vu que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais cette personne-ci, la chose, la stricte nécessité pour la suivre, cette personne-ci n'a pas. Il faut qu'on s'arrange à ce que cette personne-ci ait ce qui est nécessaire. Mais si quelqu'un va plutôt se livrer dans la cupidité, il faut le couper rapidement, dit la Bible. C'est pas ce que c'est ici. Alors, quand c'est ce dit que le Seigneur te bénisse, c'est ce que le langage qu'il a dit là-bas, qu'elle possède quelque chose pour lui donner. Et il dit que Dieu te bénisse. Oh ma soeur, alléluia, notre Dieu est bon. Et il dit, il ne lui donne pas de quoi. Il va, réchauffe-toi. Sois béni. Que ton ventre soit rempli. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pourvoie pour tes entrailles. Là, cet instant-là, ce n'est pas le Dieu de pouvoir. Et que, il veut la phase pratique. Ici, il faut passer dans la pratique. Donc, il y a la phase où Dieu dit dans celui de Deutéronome-là, dans celui du Nombre, que c'est ainsi que vous placerez mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te rende féconde. Il y a la phase de cela. Il y a la phase de la mise en pratique. C'est-à-dire que la bénédiction, tu as déjà reçu la bénédiction. Tu donnes. Donc, comment quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose? Tu dis que non, que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est un mal que nous faisons et que nous ne voyons pas. Romains chapitre 12. C'est pas fini là, n'est-ce pas, frère? C'est pas fini, on arrive. Gardez déjà que c'est en main. Vous avez permis que j'enseigne, n'est-ce pas? La phase pratique de l'amour. Première partie. Vous y êtes? Prenez le temps de lire depuis le verset 3 jusqu'au verset 7. Maintenant, prenons. Tu y es, mon cher. Romains chapitre 12. Je suis, frère. Tu y es? Ok, tu pourras lire plus que c'est avec la tonation, plus que cela. Maintenant, lisons à partir du verset 8. Écoutez doucement, hein. Verset 8, allons-y. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous avez entendu ce qu'il dit? Que celui qui quoi? Donne. Celui qui donne. le fasse comment? Avec libéralité. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dans 1 Timothée chapitre 6, n'est-ce pas? Continuons. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui. Que l'amour soit sans hypocrisie. Stop. Vous pouvez souligner ça, frère. Des versets comme ça, méditez-y. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est pas fini. On y va. Et le mal en horreur. Oui. Attachez-vous fortement au bien. Vous avez entendu, frère? Continuons. Par amour fraternel. Par amour quoi? Fraternel. Oui. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors maintenant, ça veut dire que cette soeur si ferme ses entrailles, malgré que ça ne dit n'importe quoi, son amour n'est pas vrai, pas vrai? Elle va dire, oh ma soeur, je t'aime, que Dieu te bénisse, tu étais où je t'ai cherché, j'ai prié pour toi. Si quelqu'un te dit que j'ai prié pour toi, tu dis que Dieu m'a exaucé au travers de toi. Vous comprenez? Et tu as conservé ma bénédiction. Continue mon cher. Usez de prévenance réciproque. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Oui. Soyez fervent d'esprit. Oui. Servez le Seigneur. Et écoutez. Réjouissez-vous en espérance. Oui. Soyez patient dans l'affliction. Oui. Persévérez dans la prière. Oui. Pourvoyez aux besoins des saints. Souligné. C'est un commandement, oui ou non? Donc après avoir enseigné la règle de l'amour, il a érigé cela en commandement. Pourvoyez aux... Pourvoyez aux... Hé frère, j'ai découvert quelque chose dans Romains 13. La grâce, il y a la grâce. C'est quoi la prophétie selon l'analogie? Laissez l'esprit. Vivons d'abord la pratique. Que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Regardez. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc les saints ont des pourvoyés. Alors si les saints ont des besoins et le Saint-Esprit dit pourvoyer, il a donné ce de quoi on doit pourvoir. Ça dit que c'est dont les saints ont besoin, se trouve dans d'autres, entre les mains d'autres saints. Parce que s'il dit pourvoyer aux besoins des saints, vous avez de quoi pourvoir. C'est parce que vous comprenez. Donc arrêtez de dire, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Posez-vous la question. En quoi est-ce qu'il peut venir dans la vie de ses frères et être une bénédiction pour cette frère, pour que ma vie aussi soit une bénédiction? C'est ce que vous devez poser comme question. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, supposez maintenant. Regardez ce qu'on a dit là-bas. Je vous pose une question simple. Quelqu'un qui a un don de guérison. Vous êtes malade. Écoutez, je veux que toute votre attention. Je crois qu'il faut qu'il prenne deux personnes. Mes frères, levez vos doigts. Toi aussi, lève-toi, va. Toi aussi mon cher, lève-toi. Donc voici quatre personnes. Deux de ce côté-ci et deux de ce côté-ci. Ce frère-ci a un don de guérison. Celui-ci qui est frère est un riche personne qui fait dans le café et le cacao. Donc il a l'argent, qu'il le veuille ou pas. Ici se trouve quelqu'un qui est dans le besoin matériel. Il veut les finances. Celui-ci a son ventre qui dérange chaque fois. Vous comprenez? Donc le ventre se dérange chaque fois, ça lui cause des problèmes de santé. Donc celui, c'est les deux ici qui sont dans les besoins se trouvent là-bas. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que celui-ci, il ne doit pas aller voir celui-ci parce que s'il lui donne l'argent en cacao, ça ne résout pas le problème. C'est ici qu'il va se diriger. Ça veut dire que le besoin de celui-ci se trouve dans celui qui a besoin de guérison. Celui qui a un don de guérison, c'est sa solution. Il a sa solution. Celui qui a le besoin matériel, celui-ci qui a le besoin de finances. La personne qui est dans la finance en Christ, il a sa solution. Maintenant, écoutez bien, je vais prendre les gars des finances pour que vous compreniez ce qu'il en est. Celui-ci vient raconter celui-ci dans son bureau. Il dit que mon frère, c'est comment? Il dit que l'éternel règne. Ce n'est pas la question qu'il lui a posée. Il dit que Dieu est sur le trône. Il est sur le trône depuis le début. Il est au contrôle. Vous riez. C'est pas ce que nous faisons chaque jour, frère. Le pourquoi, en regardant même son habillement, on doit savoir que quelque chose ne va pas avec les deux habillements. Qui a ici le riche et là? Et là, ça. Donc, il y a un problème. Notre frère doit commencer à prier par l'esprit dans le cœur pour savoir quel est le besoin de son frère. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire pour mon frère? Sans que celui-ci n'ouvre la bouche. Discerner le besoin des autres. Maintenant, ce que le frère se fait, c'est qu'il faut nous parler. Il dit, ah, je me rappelle quand j'étais en France, j'ai vu telle chose. Celui-là dit que tue-moi seulement. C'est ce que celui-ci dit dans son cœur. Tout ce que vous allez parler maintenant. Il a dû réfléchir seulement si il va faire ça tôt ou tard, il va envoyer la main dans la bouche. Donc, en France et tous les trucs là, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il ne peut pas commencer à faire le passeport. Maintenant, quand celui-ci fait ça, il dit que frère, j'ai des coups de fil à faire. Oh oui, oui, il bouge un peu dans la chambre. Oui, oui, oui, oui. J'ai dit 5 millions. Le frère dit, c'est ça que ça va sortir aujourd'hui. Quand il entend les millions, son cœur bat, il passe de ce côté, c'est parce que si me donne même 100 000 là-bas, je vais réussir ma vie. Maintenant, quand le frère s'y sort, il espère toujours, il dit, bon, mon frère, je pars. C'est pour dire, quand il dit, bon, je pars, c'est pour dire, s'il te plaît, arrête les discours, donne-moi, c'est pourquoi je suis venu. Là, il ne le fait pas. Après, il dit, frère, que Dieu te bénisse. Cette bénédiction, c'est un peu parler sur lui. C'est-à-dire qu'il le salue. Il dit que Dieu te bénisse. C'est ce que Jacques est en train de reprocher. C'est ce que nous faisons, parce que ça, c'est le plan matériel. Maintenant, quand celui-ci vient, celui qui a la maladie vient, il vient vers celui qui a un don de guérison. S'il lui dit que Dieu te bénisse, il sera guéri là. Parce que le don de guérison est là pour sa solution. C'est la même chose avec le plan matériel. Mais très souvent, vous dites, ah non, que Dieu te bénisse, sans lui donner le matériel. Mais pour l'autre-ci, quand celui-ci a le besoin, il veut qu'on prie pour lui, il veut que tu pries pour moi. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ok, maintenant, lui-même, quand il aura besoin, peut-être il a la chaude puce, il couvre vers celui-ci. Là, maintenant, il sort l'argent. Parce qu'il veut que je te donne mon don, tu me donnes mon don. Ça devient l'échange. C'est pas ça que vous comprenez. Celui-ci, quand celui-ci, c'est le marchandage maintenant des dons. Quand celui-ci voit que celui-là a l'argent, quand celui-ci vient que mon frère, j'ai marché partout, j'ai la poisse, allez même dans le bureau des frères, même 5 francs, ils m'ont pas donné. Toi, prie pour moi, pour que ça marche. La personne, si cette personne s'est venue, il a prié. L'autre, si elle est venue, il va voir que celui-ci est venu, il ne sait même pas qu'on vient chez les serviteurs, j'ai les mains. Il ne te reçoit pas. Il te renvoie jusqu'à ce que tu te fatigues parce qu'il n'a pas l'argent. Vous avez vu ce qu'il a arrivé. La foi qui dit ceci, dit souvent, ne peut pas les sauver. C'est ce que nous trouvons dans le corps de Christ aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui a la liberté ne peut pas dire à quelqu'un qui a besoin de la liberté que le Seigneur te bénisse avec sa bouche sans donner la liberté. De la même façon que celui qui a besoin de l'enseignement ne peut pas dire que le Seigneur te bénisse sans recevoir la prédication. Parce que c'est la prédication qui sort ici qui n'est pas bénie là-bas. Parce que vous dites, oh mon frère, toi, ta prédication m'a béni. Ce qui lui l'avait, il t'a donné. S'il gardait sa prédication aussi, il dit que Dieu te bénisse. Tu vas avoir la connaissance. Lui, il avait la connaissance de la parole qu'il t'a donnée parce que ça s'ouvre. Celui-ci a le don de guérison, il a prié pour que ta maladie cesse. Toi aussi, pointe quelqu'un, dis quel est le problème de l'argent au juste. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que l'argent pose problème, n'est-ce pas? Amen. Donc, on est assez resté longtemps comme ça. Parce qu'on nous a entraîné, hein, c'est que le diable a dit qu'il va te voler. J'arrache. Vous voyez? Dans les comment, frère? Frère japonais. C'est que j'ai des freins comme ça. Qui ne sort pas. Ok, maintenant, on va activer. D'accord, on va activer. Dis, je donne. Exercez-vous donc, parfois. Je donne. C'est que le diable a dit que je vais conserver. Je donne. Vous voulez qu'on chante des cantiques? C'est le cantique là. Allons-y. C'est que le diable a dit que je vais garder. Je donne. Donne le succès. Donne l'argent. Vous savez, dans le dénonciation, on disait que j'arrache. Arrache ton mariage. Arrache. Même ton frère, c'est ta soeur dont arrache son mariage. Donc on vous incite même d'arracher le mari de quelqu'un. Oui, mon cher. Des prévenants réciproques. Ça veut dire que chacun soit prudent pour ne pas heurter l'un et l'autre. Veillez sur cela pour qu'il n'y ait pas d'antagonisme. Vous êtes avec nous ce soir. Amen. Et là, la Bible déclare, conclut là-bas, dans ce livre de Jacques, que comme le corps sans esprit est mort, mais sans âme est mort, ainsi est la foi sans les œuvres. Non, ça fait longtemps que je suis dans la foi, j'ai pris. Tu vois comment ma joie a maigri? Tu peux maigrir comme ça dans le rien, dans le néant. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu dois prouver. Me suivez, frère? Ouvrons le titre donc. La prochaine fois, même si vous ne venez pas, je vous attends que vous allez venir bien enseigner ça. Tite chapitre 3. Ça fait presque 2 heures que je vous ai gardé, donc je vais vous laisser maintenant. On a lu 1 Timothée aujourd'hui. On a le titre. Ah mon frère. Ah je t'aime. Je ne sais pas comment j'ai pensé à toi. Pensez à lui pour voir quoi. Tu veux le voir, c'est ton frère, c'est ta femme. Donne-lui ce que tu as. Amen. Donne-lui ce que tu as. Donc quand vous allez rentrer ce soir, commencez à méditer. Regardez chez vous. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as transmis que je dois donner à quelqu'un que je garde dans cette maison? Ôtez cela et donnez. Ôtez et donnez. Quand vous allez rentrer, faites cela. Faites la rétrospection, vérifiez votre maison. C'est que vous voyez une femme, elle va marcher. Sac vert, elle achète. Sac rouge, elle achète. Tu dis, ça, c'est pourquoi ma soeur, quand je marie, il porte la chaussure verte, je porte le bleu, le sac bleu, je mets le foulard jaune, je casse la couleur avec la robe jaune. tu casses la couleur. Un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs, cinq sacs, six sacs, deux talons, trois talons, quatre talons. Il dit c'est quoi? Il dit ça, j'ai marié avec elle que j'associe. C'est l'association de me l'aider. Allons-y ici. Titre chapitre 3. Titre chapitre 3. Le verset 8, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Cette parole est certaine. Écoutez très attentivement. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Comme nous sommes de le faire, pas vrai? Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Stop. Qui sont ceux qui ont cru à Dieu ici? Dieu, mais c'est que tout le monde dit qu'il a cru. Alors, on dit que cette parole-là est certaine, que je vous affirme ça. Que comme vous avez cru là, vous avez une deuxième étape. Appliquez-vous. Quand on dit de l'appliquer, vous dites, les enseignants disent aux enfants que soignent tes écritures. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient plus prudents. Il va doucement pour ne pas rater, ainsi de suite. Appliquez-vous donc, vous devez mettre des retouches dans votre foi. Vous devez mettre des retouches dans votre marche. Il dit, appliquez que ceux qui ont cru s'appliquent à faire quoi? À pratiquer des bonnes œuvres, pas n'importe quelle œuvre, des bonnes œuvres. Puis il dit que voilà. Oui. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà. Ça dit que c'est voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ça dit laisse le bavardage. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, quand tu as cru, applique-toi à pratiquer quoi? Les bonnes œuvres. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Le salut n'est pas les œuvres. Tu es sauvé, oui. C'est que tu as le premier étape accompli. On n'a pas dit que tu es. Il n'y a aucun verset qui dit que tu es sauvé par les œuvres. Et personne n'affirme que tu es sauvé par les œuvres. On dit que si tu es sauvé vraiment, ta vie va se suivre dans les œuvres. C'est ce que la Bible déclare. Donc, nulle part, personne, il n'y a pas de discussion que quelqu'un nous dit qu'on est sauvé par les œuvres. Ou bien en faisant comme ça qu'on est sauvé. Parce que dans tous les versets qu'on a les lits, on parle d'abord du domaine spirituel, de la justice, de la justification, de la foi, puis la mise en pratique de la foi. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit que voilà, il dit qu'on affirme cette chose, que ceux qui ont cru comprennent qu'ils ont une manière de vivre. C'est ce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous y êtes? Le verset 14 de ce même livre dit quoi? Verset 14, écoutez tout attentivement. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous sommes à l'école de l'apprentissage, de la mise en pratique de l'amour. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amour de Dieu, un amour insondable. Sacrifice lui de donner son fils unique, mais notre sacrifice est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver étant assis auprès du Père. Il est le Dieu tout-puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la saleté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, quel amour, yeah, quel amour, yeah, yeah, yeah, amour de yeah, quel amour, de Wadouza. Pas demandé de mourir pour notre frère, mais de l'aimer comme nous-mêmes, c'est ça notre sacrifice. Nous trouvons cela très difficile. Aïe aïe aïe. Pourtant nous nous disons chrétiens.